un petit peu de retard, donc on va pas faire de longs discours. Simplement, d'abord, remercier notre partenaire, le plan bâtiment durable, qui est représenté aujourd'hui par Marie Gracia, qui est là-haut. Et puis notre hôte du jour, qui est pressé, je crois, Xavier. Mais je vais redescendre. Voilà. De faire la mondiale, qui va dire un petit mot de bienvenue. Bienvenue. Alors, on a beau être investisseur. Pour le compte d'une compagnie d'assurance, on n'est pas propriétaire de cet immeuble, c'est Amundi qui nous accueille ici, je ne sais pas s'il y a des membres d'Amundi, de façon... nous, on n'est que locataires. Vous êtes assuré pour les micros ? Comment ? Vous êtes assuré pour les micros ? On est assuré pour les micros, on va apporter une réclamation à Amundi tout de suite. Alors, c'est un auditorium, on est ravis de vous accueillir ici, donc dans ce quartier en plein renouveau, parce que cet immeuble est l'ancien siège de Kodak, et qui a été transformé, et très bien transformé, par un fonds de Blackstone, et repris par Amundi. Nous, on est présents à l'OID depuis 2 ans maintenant, et au sein du conseil d'administration depuis 1 an, et fiers de vous accueillir aujourd'hui, et fiers d'écouter cette intervention, qui va nous apprendre plein de choses, non pas sur les gorilles au fin fond de je ne sais quelle forêt, mais sur la ville, qui est aussi une jungle un peu complexe à appréhender. Donc on a la chance d'avoir des intervenants de qualité. Merci Xavier. Alors, le thème d'aujourd'hui, vous le voyez, nouvelle mobilité, à quoi ressemblera la ville de demain. Je pense et j'espère que dans 2 heures, on verra à quoi ressemblera cette ville et j'espère qu'elle ressemblera quand même pas tout à fait à une jungle. Alors, l'introduction à cette conférence, je vais vous lire 2 paragraphes, et je vais vous les lire parce qu'ils ne sont pas de moi. Ils sont tirés de l'avant-propos d'un très bon ouvrage qui a été fait sur la mobilité à l'initiative de l'École des ingénieurs de la ville de Paris, l'EIVP, qui a fait son séminaire en 2017 sur les questions de la mobilité. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'accélération des rythmes urbains, les enjeux liés au changement climatique, les champs nouveaux ouverts par la révolution numérique et technologique sont autant de facteurs qui annoncent dans le champ des mobilités des évolutions majeures à moyen et long terme des modes des services et de leurs modèles économiques. Deuxième paragraphe, il dit la chose suivante. Par ailleurs, l'espace public urbain se transforme aujourd'hui très rapidement. Et comme dans toute période transitoire, il est le lieu et le témoin de nombreuses situations conflictuelles. Comment pourrait-il en être autrement? Fret, politique de stationnement, réseau continu dédié aux mobilités douces, redéploiement des réseaux de bus de surface, place donnée aux modes partagés, vélo, automobile, scooter, reconquête de nombreux espaces dédiés à la circulation automobile, autant d'actions, coordonnées ou pas, qui témoignent de cette transformation progressive de l'espace urbain et de ses usages. Dans un tohu-bohu inventif, éphémère ou tactique, se dessine le paysage et les pratiques de la ville de demain. Je pense que là, nous avons bien dressé le décor sur à la fois les pratiques et sur à la fois les modes de transport et de mobilité douce. Quelques chiffres que j'ai retenus, qui sont assez éloquents. À Paris, 50% de l'espace public est dévolu à la voiture, alors que seulement 17% des déplacements sont réalisés en voiture. En Ile-de-France, lors d'un déplacement automobile, on observe en moyenne 1,2 personnes par véhicule. Des études récentes montrent qu'avec une moyenne de 1,7 personnes par véhicule, il n'y aurait plus de congestion aux heures de pointe et le trafic serait fluide. Des études menées par l'International Transport Forum montrent que dans une ville comme Lisbonne, 500 000 habitants à peu près dans le cœur et 1 million et quelques aux alentours, supprimer le stationnement sur la voie publique en installant un réseau performant de véhicules autonomes partagés permettrait de récupérer 1,5 million de mètres carrés, soit près de 20% de la surface des routes, pour élargir les trottoirs et installer des pistes cyclables. Dernier chiffre, qui fait un peu mal, on le connaît tous, mais moi je n'avais pas mesuré son importance, 40 000 décès sont imputés chaque année à la pollution atmosphérique en France. et beaucoup. Alors, marche à pied, roller, trottinette électrique, vélo, véhicule autonome, drone, transport en commun, la cohabitation de ces différentes solutions de mobilité nécessite une remise en cause inévitable des techniques d'aménagement. Il va falloir revoir les fondements de la gestion des conflits entre les usagers, en simplifiant plus qu'en réglementant et en revisitant les conventions, la convivialité entre les usagers, les rapports, non plus de force, mais de négociation, après avoir su apaiser la vitesse. Alors, qui mieux qu'un anthropologue, spécialiste de la sociologie, de l'anthropologie sociale et culturelle, il nous en dira peut-être un peu plus, pour aborder toutes ces problématiques. Alors nous avons aujourd'hui, enfin ce matin, moi j'ai l'immense plaisir, parce que je fais une petite parenthèse, depuis que je présente ces conférences, ça fait 4 ou 5 ans puisqu'on en est à la 9e, j'ai toujours rêvé d'avoir un anthropologue pour nous parler de la ville. Et aujourd'hui je l'ai, j'en suis ravi. C'est Dominique Desjeux. Il est professeur émérite d'anthropologie sociale et culturelle à l'université de la Sorbonne, Paris Cité. Et il est l'auteur d'un super livre, alors il me l'a offert, je l'ai commencé, qui s'appelle « L'empreinte anthropologique du monde, méthode inductive et illustrée ». Alors, Dominique, la question, je l'ai formulée de cette manière, mais elle est bien sûr très large. Comment peut-on, au fond, approcher la mobilité dans la période de profonde mutation que nous vivons? La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça me rappelle ma jeunesse. Moi, j'étais à Nanterre en 68, il fallait couvrir des amphis immenses. La seule différence, c'est que j'ai appris dans le coup. La seule différence, c'est que j'avais 20 ans à l'époque, j'avais la voix, et là, j'ai passé. Donc, ma voix est plus faible. Si vous ne vous entendez pas, faites-moi des signes. J'ai d'abord essayé de retrouver les amphis d'étagère. Hop. Non, c'était bien. On va revenir sur le... C'est celui-là. Voilà, et donc pour faut appuyer ici. D'accord, ici-là. Oui. Voilà. Comme répondent les hommes politiques, merci d'avoir posé la question, ce qui veut dire qu'on n'est pas trop à la réponse. Et je ferai comme dans Racine, je serai bref, là encore, c'est des choses qu'on a fait de l'innovation. Dans Racine, le type commence au commencement, le monde était chaos, et le juge lui dit, entendez-vous, là, oui. Je ne suis pas étonné, il n'y a pas de sens, c'est ça. Hein? Alors, ça va être dur. Je vais essayer. Et donc, il dit, au commencement, le monde était chaos, et le juge lui dit, passez au déluge. Donc, je vais essayer d'être bref, en fait, je ne vais pas du tout être bref, mais je vais essayer, je ne suis pas sûr, je montre tout. Ce que j'essaye de faire à partir de la question sur la mobilité, en fait, je n'ai pas beaucoup d'idées sur la ville de demain, j'en ai quand même, parce que je pense que la mobilité, elle est prise entre les effets de structure un peu, vous savez, comme des gros facteurs. On ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain, c'est la ville. Et si j'arrive à montrer le petit film de la fin qui fait 10 secondes, c'est assez canton aujourd'hui, et qui montre qu'avant de changer ça et d'avoir des choses plus conviviales, ça ne se paraît pas dans la veille. Donc il faut aussi regarder ça, mais je vous montre aussi de l'observation à Paris, l'observation très simple avec des photos. Je travaille énormément par film et photos dans mes enquêtes, et je travaille dans le monde entier. L'autre point intéressant, je travaille toujours à la demande. Je suis vraiment un des rares profs à la Sorbonne, ça a déjà existé, hein, quelques profs comme avant, un ou deux, qui travaillent aussi à la demande, qui travaillent pour le secteur privé, c'est-à-dire qui travaillent pour le diable en réalité, puisqu'on travaille pour de l'argent, c'est absolument horrible. C'est évidemment rigolo. Et le gros avantage, c'est comme il n'y a pas de moyens à l'université, grâce à tous mes contrats, depuis une cinquantaine d'années maintenant, j'ai pu faire des enquêtes que je n'aurais jamais faites si je n'avais pas été sous contrat. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous montrer un certain nombre de photos, c'est des photos, donc c'est des flashs, mais derrière ces photos, il y a des journées, des semaines, des mois d'enquête, le plus souvent, mais que je résume par une photo et ça nous suffit largement. Pour moi, pour être clair, il faut essayer de ramener des choses compliquées à des choses simples. Il faut être passé par le complexe avant pour savoir exactement à quel endroit simplifier. Alors juste, vous voyez la photo que j'ai mis là, je ne peux pas en monter en arrière, c'est pas grave, peut-être comme ça. Si, voilà. Et juste pour illustrer ce que je fais tous les jours, enfin, très très souvent, là je suis dans un centre téléphonique, je crois que c'était pour Orange ou pour EDF peut-être là, et je vais interviewer les gens, je regarde comment ils font, j'observe des discussions entre là, ici, la personne qui est à l'accueil et les personnes qui ont des problèmes d'énergie. Je vais dans les salles de bain, je vais dans les livings, le boulot c'est d'observer. Et je pense que si on veut comprendre la vie de demain, c'est ce que je montrerai à la fin, il faut observer, regarder à plein d'échelles différentes. C'est ça le truc. Et je n'ai pas de vision extraordinaire, parce que je ne crois pas beaucoup aux visions personnellement, je sais que tout le monde y croit, mais moi je n'y crois qu'à moitié. Une vision, ça donne du sens. Mais bon. Et la première. Donc ce que je cherche dans les logiques sociales de la mobilité, et pour moi, la chose principale à retenir, c'est que la mobilité. C'est à la fois plein d'ambivalence, et je crois que celle que je préfère, c'est ce que j'appelle l'ambivalence, c'est pas extraordinaire, mais elle est très intéressante, qu'on n'y pense pas toujours, c'est ce qu'on appelle souvent une évidence invisible, l'ambivalence du fluide et du rugueux. Toute la mobilité est prise dans cette tension, on essaye tout le temps de fluidifier, de rendre plus simple la mobilité, et en même temps de la bloquer. Alors j'ai plein d'exemples, pensez à l'immigration, on essaye plutôt de bloquer que de fluidifier. En Chine, par exemple, ce qu'on appelle le hukou, c'est le hukou, c'est le passeport intérieur qui empêche les gens qui viennent d'autres régions, notamment les zones rurales, d'aller en ville. Le passeport, c'est à la fois un moyen aussi de fluidifier, mais aussi de bloquer. Donc la mobilité, ce n'est pas simplement plus de fluidité, c'est toujours un jeu permanent entre de la fluidité et de la rugosité. Parce que derrière, il y a un deuxième enjeu qui est celui de la sécurité et de l'insécurité. Il y a derrière encore un troisième enjeu qui est un imaginaire. La mobilité, c'est un double imaginaire, à la fois messianique, merveilleux, tout circule très très bien, et apocalyptique, c'est dangereux, il faut tout fermer. Et tout ça, c'est toujours ambivalent, enfin toujours ensemble. Je fais une petite parenthèse qui m'est venue depuis un an. Quand j'écoute Macron, je trouve qu'il est très anthropologue, parce que c'est toujours et en même temps. Et bien, l'anthropologie est toujours et en même temps très dur à écouter. Les gens préféraient que ce soit ou noir ou blanc, mais c'est ce qu'on apprend aussi en Chine, tout est noir et blanc, le fameux yin-yang, c'est toujours en même temps, et on ne peut pas supprimer l'un ou l'autre. Et si vous réfléchissez, à chaque fois qu'on a supprimé un des deux termes, noir ou blanc, on a créé des régimes fascistes, des régimes communistes, des régimes nazis, des régimes totalitaires, quels qu'ils soient. Parce qu'on a voulu purifier tout ce qui ne paraissait pas bien. Maintenant, il faut mieux une société imparfaite, mais qui fonctionne, qu'une société purifiée et totalitaire. Parce que c'était un choix personnel. Donc ça, c'était pour introduire la mobilité. Et le fil central, vous allez voir, que je vais prendre, c'est celui de l'énergie. Là aussi, il est assez évident, il est très intéressant, parce que finalement, je vais reprendre l'histoire de la mobilité pour comprendre vers quoi on va aujourd'hui. Donc c'est à partir du passé qu'on comprend vers quoi on va, mais aussi où sont les résistances à ça. Et toute la mobilité est fondée sur le tour de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de mobilité. C'est ça la remarque de ça. Voilà. Deuxième élément après l'énergie, c'est la diversité de la mobilité. Alors, je mettais ici au début, je sais pas où j'ai mis ça, mais voilà. Le point intéressant, quand je parle de mobilité, je parle aussi bien de la mobilité physique des marchandises, physique des hommes, mais aussi numérique de l'information. Donc la mobilité ne touche pas simplement les marchandises ou les êtres humains, mais aussi l'information. Ce matin, je lisais un article sur le Moyen-Orient, et on voit que les Russes sont en train de mettre en place des systèmes de brouillage à la cause de leur avion qui a été écrasé apparemment par un tir syrien, mais ils accusent les Israéliens. Donc là, on a une bataille autour du numérique, autour de l'information numérique qui permet ou pas de repérer les avions, les tirs, etc. Ça, c'est une bataille permanente et qui est très forte aujourd'hui. Et toute mon analyse, elle est faite en termes de champ de force. Personnellement, je suis plutôt pour la paix, mais je remarque que ce n'est pas tout à fait ça à la vie de tous les jours, et qu'en réalité, on est sur des champs de force et des batailles permanentes. Plus ou moins violentes, mais quand même des batailles permanentes. Donc, je travaille beaucoup sur les relations de pouvoir, notamment. Là, je vous ai mis à droite un livre que j'ai fait avec, qui s'appelle « Quand les Français déménagent ». Ça, c'est typiquement du micro-social, c'est de la mobilité micro-sociale, et dans lequel on voit très très bien les différents imaginaires liés à la mobilité, où il faut les déclencheurs de la mobilité qui peuvent être liés à un mariage, qui peuvent être liés à une naissance, qui peuvent être liés à un vieillissement, peu importe. On voit le moment du déménagement où là on a un imaginaire très physique, et puis on arrive dans le nouvel appartement, et là on a un imaginaire d'un coup paradisiaque si l'appartement est plus grand. Si on est en descente sociale ou si on est en vieillissement, c'est beaucoup moins drôle. On voit très bien ce double imaginaire, à la fois, j'allais dire, optimiste et pessimiste. La mobilité, c'est aussi une diversité de durée, et des mobilités exceptionnelles et puis des mobilités quotidiennes. Je passe là-dessus, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. Et deuxièmement, c'est aussi un espace, il y a une diversité des espaces à longue distance et à courte distance. Et là, j'ai voulu symboliser, j'étais cherché dans mes archives une série de photos où on voit, et je vous en montre deux ou trois, celle de gauche est très intéressante en haut, l'avion. C'est à Hong Kong, en 1997, où l'avion atterrissait encore sur le tarmac au milieu de la mer. Et il ne fallait pas qu'il loupe son atterrissage, son décollage, il y avait la mer derrière. Et vraiment, il passait au-dessus des logements. Ça, c'est pas une histoire. Celle de la Red Revolution intéressante, 97. Elle n'est pas d'aujourd'hui, mais vous voyez déjà la cohabitation, notamment d'un roller, que vous voyez déjà là. On croit que c'est nouveau, et c'est assez nouveau, peut-être pas sur massive, mais c'est assez ancien en termes d'invention. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on travaille sur les innovations, de bien distinguer l'invention de l'innovation. On ne peut pas le faire, ce n'est pas grave, mais juste pour comprendre, l'invention, c'est l'idée nouvelle, ce qu'on appelle souvent une innovation, du reste. Une technologie nouvelle, comme par exemple la voiture sans chauffeur, pourquoi pas. Ça, c'est l'invention. L'innovation, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est mon cœur de métier, c'est le processus social par lequel l'invention va se diffuser ou pas. Et souvent, je prends la métaphore, vous savez, de la fusée qu'on lance dans le ciel, avec un satellite, le satellite redescend sur Terre, et le moment dangereux, c'est quand il rentre dans l'air, là où il y a des frottements. Et souvent, il éclate, ou il peut éclater. Mais c'est pareil pour les inventions. 9 fois sur 10, elles n'arrivent pas sur Terre. Quand vous travaillez sur la grande consommation comme moi, vous savez que 9 produits sur 10, ça n'arrive jamais à terme, et qu'au bout d'un an, 80% des produits sont morts. Et ça, c'est le jeu social qui explique la réussite ou le succès. Ce n'est pas la bonne ou la mauvaise idée. Il y a plein de mauvaises idées qui passent très bien. Et plein de bonnes idées qui ne passent pas du tout. Donc, c'est pas le coup, ça c'est très paradoxal, mais ce n'est pas le contenu de l'idée qui fait bon ou mauvais, hein, que ça va passer ou pas. Non, non, c'est le jeu des forces sociales. Un petit point aussi, bon, j'ai mis un croquement là-haut, ça, c'est important, ça c'est la dernière mobilité. J'ai mis aussi une voiture handicapée, ça c'était à Montréal, parce qu'il y a une dame au Danemark, là, aux danses, qui fait ses courses, pour bien rappeler un des grands paradoxes qu'on voit de la mobilité aujourd'hui. C'est que la mobilité est liée à l'énergie, principalement l'énergie fossile. On essaye de changer le système énergétique au moment où l'énergie humaine, c'est-à-dire nous, devient plus faible puisqu'on vieillit. Il y a un vieillissement de nos sociétés, c'est pas vrai en Asie. Hein. Il y a un vieillissement, donc il y a un peu de paradoxe de l'énergie et de la mobilité au moment du vieillissement. C'est le même problème que l'électroménager, mais je ne vais pas le reprendre ici. Et la voiture, ici à droite, ça c'est près de Gonesse. Là, je faisais une participer à l'intervention auprès de l'Europe, j'ai oublié le nom, un grand aménagement qui est à côté de Gonesse. Il faut rappeler que la voiture, dès qu'on n'est plus dans Paris ou dans les grandes villes, c'est indispensable. Donc, ce n'est pas demain non plus que la voiture va disparaître. Je rappelle tout ça pour vous montrer ces ambivalences. Même si aujourd'hui, plein de choses émergent de façon alternative. Je repars maintenant sur une approche géopolitique pour montrer, pour faire apparaître différents éléments qui montrent qu'aujourd'hui, la mobilité, elle, c'est une tension entre le commerce, le tourisme et les tensions internationales. On est quand même vraiment dans des risques de guerre limités ou généralisés, évidemment, dans ces strictes moyens, je vous montrerai deux ou trois éléments. Mais ça fait quand même pas mal de... En gros, depuis 2000, on a un changement fondamental en termes géopolitiques et la montée de la Chine. Et ce qui m'a frappé, c'est que jusqu'en 2004, quand je faisais des conférences sur la Chine, où je vais depuis 1997, j'y vais 5-6 fois par an pour faire des enquêtes, j'en parlais encore comme un pays du tiers-monde. Et ça fait que 10 ans que la Chine est vraiment devenue une puissance importante, très ambivalente aussi. Mais ça a vraiment changé, et mon hypothèse aujourd'hui par rapport à Trump, s'il est aussi violent, c'est parce que les États-Unis sont moins tout-puissants. C'est toujours la première puissance. Hein. Mais quand on descend, on est beaucoup plus violent que quand on monte. C'est les Chinois qui mènent le jeu aujourd'hui. Ils peuvent avancer, reculer, c'est eux qui montent. Et les Chinois sont en descente, les Américains. Même s'ils ont 11 porte-avions et les Chinois 2, il y a un rapport de force très différent, n'empêche qu'ils ne sont plus tout-puissants. Si on faisait l'histoire du monde, on verrait que c'est un grand, grand, grand classique. Et quand on réfléchit même à l'Europe, notre toute puissance européenne, qui était d'abord anglaise avant d'être française ou allemande, elle a duré 150 ans, hein, je fais bien les comptes, peut-être 200 ans, c'est très peu. En réalité, les grands empires avant l'Angleterre et la France, c'était l'empire moghol en Inde, c'était l'empire chinois, c'était l'empire russe, c'était avant Bagdad, les Arabes, etc., etc., les Égyptiens, les Turcs, les Perses. Et quand vous regardez à chaque fois les Romains, quand vous regardez tout ça, ça dure, les Romains peut-être étaient les plus longs, mais ça ne dure pas des tonnes de siècles. Et nous, ça a été très court. Mais pour prendre un mot scientifique, on a aidé tout le monde entier quand même. On a été les premiers à toucher tout le monde. Je m'excuse de mes concepts scientifiques. Je peux les traduire. Le petit schéma qui est après, il y a plein de choses dedans. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que quand je parle de mobilité, pas uniquement de mobilité, mais quand je parle de mobilité, je pense vraiment en système. Et je me dis toujours à quel endroit de ce grand système qui fait production, distribution, consommation, environnement et déchets, c'est pour schématiser le fonctionnement des sociétés autour de ces quatre pôles, à quel endroit du monde, à quel endroit du système, il va y avoir un changement qui fait qu'il y aura un impact chez nous, sur la mobilité. Parfois on la voit, parfois on ne la voit pas. À la fin, j'ai mis en rouge, bon, ça sera mon avant-dernier slide, j'ai mis en rouge des nouveautés, mais il y en a eu que je signale là parce que je la trouve très intéressante et absolument inattendue pour moi, c'est la partie finance. Il y a, je pense que vous l'avez observé, il y a un gros changement depuis, 5, 6 ans, 7 ans, c'est pas si vieux que ça, où on passe d'investissement ou de financement à travers la bourse par des investissements, par les private equity en anglais, donc par des investisseurs qui ne sont plus les banques, donc pas contrôlés. Donc on a des risques de nouvelles bulles. Et c'est très intéressant d'observer qu'aujourd'hui, une partie de la finance n'est plus contrôlée par des règles d'État ou des règles de fonctionnement public. Parce que ça a des implications après au niveau de toute la vie, économique. J'en sais pas plus pour le moment, mais vous voyez comment je fais. J'essaie de repérer à des endroits qui ne sont pas familiers. Je lis beaucoup d'économie et beaucoup d'histoire pour essayer d'ouvrir mon esprit et de me dire, tiens, là, il y a un truc auquel je n'ai pas pensé, que l'on appelle Blackstone. Je ne suis pas un grand financier, mais Blackstone, j'ai bien repéré, c'est un type extrêmement important. Et j'ai vu, il y a peut-être 7-8 ans en Chine, il a arrêté d'investir sur l'immobilier, si je me souviens bien, et il s'est mis à investir sur les retraites, si je me souviens ça de mémoire. Pour moi, c'est un signe. Quelque part, il a repéré qu'il y avait un marché. Et quand on repère un marché, pour un anthropologue, c'est là qu'on a un mode de vie. En réalité, l'anthropologue explique le marché par des changements de mode de vie. Et effectivement, la montée d'une classe moyenne mondiale est très importante, et notamment chinoise, et qui, elle, a besoin de sécurité. Donc ça, c'est un exemple global. Avec un deuxième élément intéressant, si vous regardez les quatre cartes, nous, on est très habitués à la carte de Mercator. Regardez la carte chinoise, qui est un puzzle que j'avais acheté en Chine en 2004. Le centre, vous savez qu'en chinois, la Chine veut dire Zhongguo, ça veut dire le pays du milieu. Et ce qui est tout à fait juste, c'est que c'est bien l'océan Pacifique qui est aujourd'hui le lieu des principales tensions et donc des mobilités. Pour moi, les déclencheurs de la mobilité, il y a le commerce, il y a les mariages, il y a le tourisme, il y a la guerre. Ce sont des grands, grands déclencheurs de mobilité. Puis vous avez des cartes intéressantes comme celle de Libération en 2011 et aussi les échos. Vous voyez, quand on change d'angle, tout d'un coup, on voit que c'est le pôle Nord qui devient un des grands centres de circulation, notamment les conteneurs. Pour le moment, c'est durant l'été, mais peut-être que bientôt, ça sera toute l'année. On ne sait pas encore. Donc là, c'est les rappels sur les grandes migrations. Ça, c'est l'immigration juive, pratiquement sur 2000 ans, à travers toute la Méditerranée, entre Méditerranée et Mittel-Europa. Ça, c'est l'immigration récente, vraiment liée à la guerre en Syrie. Donc, c'est plutôt des migrations arabes, en partie turques, avec des mélanges, mais à dominante arabe. Ici, c'est un grand rappel, c'est les guerres climatiques. J'en ai mis deux exemples simples. Le Jourdain au Moyen-Orient est extrêmement important. Vous avez le Golan qui était en Syrie, qui est contrôlé par Israël. Vous avez la Jordanie, la bataille autour de l'eau. Mais le plus intéressant, souvent on l'oublie, c'est l'Himalaya, contrôlé par la Chine. C'est les cinq fleuves qui irriguent toute l'Asie. Ça, c'est un endroit extrêmement stratégique. Ça, c'est des sources de tensions militaires, notamment entre la Chine et l'Inde. Mais aussi avec le Cambodge, parce que la Chine fait des barrages sur le Mekong. Ça, Ça, c'est vraiment de la géopolitique. Je continue avec ça pour rappeler quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, la nouvelle mobilité chinoise. Tout le monde a entendu parler des routes de la soie. Regardez la route du 14e siècle, celle de gauche. Quasiment la même aujourd'hui. Ce n'est pas exactement les mêmes capitales, les mêmes métropoles, si vous voulez, mais une partie sont les mêmes. Et c'est la route de la soie du nord et du sud. Et quand vous regardez bien, celle de droite est très importante, parce que vous avez Djibouti, qui est pour moi le cœur de la position chinoise pour le contrôle des marchandises dans le monde, puisque la route de la soie du sud, celle de l'océan Indien, c'est en gros un tiers du commerce mondial qui passe là. Donc c'est énorme, et qui va vers l'Europe. Et deuxièmement, donc là il y a une base militaire, il y a une zone franche, il y a un chemin de fer maintenant entre Addis Abeba et Djibouti, et vous avez le Pirée, qui est à Athènes, qui a été acheté, enfin qui a été loué pour un bail en pétrolier, je crois, 99 ans, et qui est l'entrée sur l'Europe. Et vous avez ensuite la route, le nouveau chemin de fer, qui a un an maintenant, qui part de Shanghai et qui arrive à Londres. Et maintenant, on peut mettre jusqu'à 16 jours hein, pour aller entre la Chine et Londres. Avant, en bateau, c'est entre 25 et 50 jours. Ça varie, bien évidemment. Donc ça, pour moi, c'est des changements énormes en termes géopolitiques, en termes de mobilité. Il y a même des cartes beaucoup plus complexes que j'ai parfait ici qui montrent qu'il y a beaucoup plus de routes de la soie que ça. Il faut les croiser aussi avec la circulation du gaz hein, entre la Russie et puis l'Europe, le passage par la Turquie ou le passage par le Nord. Tout ça rentre dans la mobilité. C'est la mobilité des énergies, la mobilité des marchandises, la mobilité des personnes et bien évidemment aussi les mobilités numériques. Et ici, pour mémoire, je vous ai mis l'Éthiopie et puis le pôle Nord. Pour mémoire aussi, je vous mets la zone en face de Djibouti, qui est une zone de piratage. Et quand j'étais à Séoul il y a un an ou deux pour autre chose, il y avait dans le journal un bateau de guerre qui était envoyé dans la zone de Djibouti, là aussi pour participer à la sécurité du passage des marchandises. Le point important, c'est celui-là. En termes d'évolution du monde, et là encore, pensez toujours évolution et mobilité, on a un déplacement vers l'Asie, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, qu'on oublie souvent, les Philippines, et bien sûr le Japon, les deux Corées et Taïwan. Tout ça, ça se déplace. Et sur 20 ou 30 ans ou 40 ans à venir, on sait que le cœur du monde sera parti là-bas. Et ça, ça va changer complètement, aussi bien par exemple par rapport au déficit d'énergie lié au vieillissement de l'Europe comparativement à la genèse de l'Asie, en sachant aussi, il y a un vieux principe, un vieux proverbe chinois qu'on attribue à la Chine, c'est assez pratique, qui dit « quand il pleut, n'oublie jamais qu'il pleut aussi sur ton ennemi », et ton ennemi entre guillemets, mais c'est quand même pas faux non plus. Et en Chine, on a un vieillissement aussi, hein, qui est extrêmement important. Et certains disent que la Chine sera vieille avant de s'être enrichie complètement. Il y a une courbe démographique extrêmement dangereuse en termes de renouvellement de population, et aujourd'hui, la Chine autorise pratiquement à faire autant d'enfants qu'on veut. En réalité, la classe moyenne chinoise, qui représente à peu près 450 millions de personnes aujourd'hui, n'a pas tellement envie de faire beaucoup d'enfants. Ça coûte très cher, en réalité. Tout est cher en Chine, en matière d'éducation, en matière de logement, etc. Donc ça, pour moi, c'est un des grands changements, et qui fait qu'aujourd'hui, on a des risques de guerre beaucoup plus importants qu'avant. On a les budgets militaires qui augmentent, on les voit sur la Chine, la Corée du Sud et l'Inde. La Chine vient de sortir un deuxième porte-avions ultra-moderne. Ça ne vous dit rien comme ça, mais il faut bien comprendre que la Chine cherchant à contrôler la mer de Chine du Sud et la mer de Chine du Nord, grâce à son porte-avions, elle est plus rapide que les Américains. Elle peut envoyer des missiles de sol-sol ou des missiles sol-air, du reste, sans difficulté. C'est beaucoup plus vite que les États-Unis. Les Chinois sont extrêmement stratèges. La seule inquiétude qu'il faut avoir par rapport à la guerre, la seule pour leur plein, et c'est celle que je regarde, je compare la Chine à l'Allemagne en 1914. L'Allemagne était la première puissance européenne, en réalité, en termes économiques, ou en train de le devenir. Mais elle était coincée entre l'Angleterre et la France qui avaient piqué toutes les terres dans le monde. On ne lui a pas laissé d'espace. Elle a déclaré la guerre, elle a perdu, elle aurait pu gagner. Quand vous regardez la guerre de 14-18, ça ne s'est joué à pas grand-chose. La Chine, c'est pareil aujourd'hui. C'est la grande puissance qui monte. Si elle n'a pas son espace, elle ira. Ça peut déclarer une guerre quelque part. Et elle, comment elle le fait? Elle le fait comme ça. Si vous regardez bien ici, j'ai pris une photo qui a 3-4 jours. Hein. C'est New York Times International. On voit les petits récifs qui sont entre le Vietnam, les Philippines et la Chine, qui sont aménagées en termes de bases militaires. Ça, pour moi, c'est très dangereux. Ça veut dire que c'est là vous êtes au cœur d'une mobilité qui n'est pas voulue, mais potentiellement très forte. Donc j'essaie de vous montrer que la mobilité, ce n'est pas simplement le vélo ou la trottinette, c'est bien au-delà de ça, quelque chose qui a à voir avec la géopolitique. Je ne vous dis pas qu'il y aura la guerre. Je vous montre juste simplement que pour moi, la zone la plus dangereuse aujourd'hui, potentiellement, c'est plutôt la mer de Chine du Nord et du Sud que le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ça pète déjà. C'est très dangereux aussi. Ça peut, quand on voit les avions qui se croisent, on se dit comment ils ne se rendent pas dedans entre les Américains, les Britanniques, les Russes, les Syriens, l'Iran et Israël. Bon, mais on se dit, c'est à peu près contrôlé. On se dit, je pense que c'est vrai, c'est à peu près contrôlé. Dans la mer de Chine, du Sud notamment, et du Nord, je ne sais pas bien ce qui se passe. Et là, on a vu comment la Chine, en 10 ans, avait réussi à équiper ses récifs. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, je change d'angle d'approche, c'est à travers la grande révolution énergétique. Là, c'est très matériel, très physique. J'aime beaucoup parler d'énergie parce que je trouve que c'est quelque chose que moi j'ai découvert un peu par hasard en travaillant sur les sociétés rurales congolaises et malgaches, entre 71 et 79 à peu près. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que l'énergie de base était l'énergie humaine et puis surtout l'énergie animale. J'ai compris ça après que j'ai mis un livre que j'adore, qui vient de sortir peut-être à peine un an, et qui est l'histoire des 8 principaux animaux qui ont structuré le développement du monde à travers la mobilité. Vous avez l'âne, par exemple, qui a servi de logistique pour les armées égyptiennes. Vous avez le chameau ou le dromadaire. Vous avez le cheval, qui est fondamental si on veut comprendre la tension entre les nomades qui sont dans les grandes steppes du Nord et les sédentaires qui sont au-delà des trois fleuves, le Rhin, le Danube, le Tigre et l'Euphrate, que je mets ensemble ici. Et c'est très intéressant de comprendre tous ces animaux, comment ce sont les grands vecteurs de logistique. Mais le point important à retenir, c'est qu'en gros, entre moins 8-9 000, au moment de la révolution agraire, et 1750, Chabuzo, comme on dit aux Chinois, à peu près, tout le monde avait des bioénergies, à base énergie humaine, l'homme, la femme, les animaux, le vent, le soleil, l'eau et le feu. Tout le monde avait ça en plus ou moins grande quantité. En 1750, ce n'est pas une date précise, hein, vous avez une révolution énergétique, qui est celle du charbon, et qui existait depuis longtemps, puisque le charbon est une énergie fossile, mais qui n'était pas utilisée de façon importante. Il était utilisé. Hein. Et c'est l'Angleterre, et il faut se souvenir qu'à l'époque, la Chine avait la même puissance économique que l'Angleterre, et jusque vers 1800-1820, la Chine, c'est à peu près 20% du PIB, à peu près mondial. La Chine était la grande puissance de l'époque. Et l'Angleterre avait des vrais problèmes de démographie, il y avait trop de monde, par rapport à la faible surface de terre. Ce sont les têtes de Malthus qu'on a toujours mal lues, parce qu'on dit qu'elles sont malthusiennes aujourd'hui, mais en réalité, il avait très bien vu le problème de fond, qui est le rapport entre la démographie et la terre, et l'énergie disponible. Et à partir du charbon, qui a été exploité par les Anglais, évidemment, on connaît la suite, c'est la révolution industrielle, qui a donné à l'Angleterre tous les moyens, grâce à la machine à vapeur, à l'industrialisation, d'avoir des vaisseaux plus rapides, d'avoir des armes plus puissantes, etc. Donc le charbon, ça a été, comme dit l'Américain Pomerance, qui a fait un bouquin extraordinaire là-dessus, qui est de 2000 et qui a été traduit en 2010, la grande divergence. Et là, l'Europe, principalement l'Angleterre et la France, un peu la Belgique, a quasiment conquis le monde, à peu de choses près, en s'appuyant sur sa colonie américaine. Et ce n'est qu'en 2000 qu'on a une nouvelle convergence, mais compétitive. Tout le monde a acquis à peu près les mêmes énergies. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce passage des bioénergies, c'est un mot américain que j'aime bien, c'est tiré d'un livre de monsieur et madame qui s'appelle Marx, et c'est un pseudonyme, et qui montre l'histoire des bioénergies sur à peu près 400 ans. Et aujourd'hui, on essaye de réintroduire ces bioénergies, notamment dans la mobilité. Donc ça, c'est la nouvelle révolution énergétique en cours, qui est une révolution compétitive. Ici, j'ai indiqué, regardez la date, c'est intéressant. 2012, c'est les gaz de schiste ou le pétrole de schiste. 2012, c'est 6 ans. En moins de 6 ans, je suis recherché la date, je suis retombé dessus par hasard. En moins de 6 ans, les Américains, les États-Unis, pour être précis, ont acquis leur autonomie pétrolière, au moins de 6 ans. En termes de mobilité, c'est absolument fondamental. En termes de géopolitique, moi je fais une corrélation, je n'ai pas la causalité, entre le fait que les Américains lâchent le Moyen-Orient et le gaz de schiste. Là, tout d'un coup, ils ont moins besoin du pétrole. Moins. Ils ont quand même besoin en termes de géopolitique. L'autre élément intéressant, c'est la Chine. J'allais dire, pour faire vite, par coup de chance, il me reste combien de temps là? Il vous reste un quart d'heure. Un quart d'heure. Bon. Par coup de chance, la Chine est très polluée et polluée dans le Nord. Et dans le Nord, c'est là qu'il y a le gouvernement. Donc le gouvernement est sensible à la pollution et lutte contre la pollution. Et ici, on a, je crois que c'est des usines de panneaux solaires. Ils sont en train de faire du dumping du reste sur l'ensemble du marché mondial en termes de panneaux solaires. Tout ça a des implications par rapport à nous, c'est-à-dire que tous ces grands changements géopolitiques ont des implications en termes de migration. Tout ceci provoque des migrations liées aux guerres, liées au climat, etc. Le climat, c'est par rapport à la pollution, par rapport au CO2. D'autres migrations, c'est lié à la guerre, d'autres, c'est lié au tourisme, notamment le tourisme chinois, etc. Vous voyez bien le lien que je fais, de façon un peu schématique, entre la géopolitique au sens très large, en termes de guerre, en termes de climat, en termes de tourisme, en termes de commerce, et le fait que ça fait bouger à la fois des marchandises et des gens. Et ça implique notre vie quotidienne. Là, je reprends en arrière pour vous montrer à partir de photos qu'est-ce que c'était que les bioénergies. Ici, vous avez les bioénergies humaines. Donc là, c'est le transport du manioc au Congo ou du bois à Madagascar par des enfants. Là, c'est du sorgho dans le Sahel à Gorom-Gorom, en remontant légèrement en troisième côté à droite, puis en descendant. Le transport humain aussi avec le cheval. Là, c'est un des rares pays d'Afrique, c'est Madagascar, où il y avait de la roue. Dès le 19e siècle, il n'y en avait pas ailleurs en Afrique, enfin, en Afrique noire en tout cas. Vous avez encore l'énergie humaine sur la gauche, c'est un pousse-pousse et à Tamata vers 1972. Et puis l'énergie éolienne avec le bateau qui est là. Et maintenant, ça c'est un résumé pour vous rappeler qu'est-ce que c'était que les bioénergies. Et maintenant, je vous montre le passage des bioénergies en Chine à l'énergie fossile moderne et aux moyens de transport moderne. Donc ici, c'est la Chine en 97, quand je suis arrivé. J'ai passé 3 mois et demi à Canton, au Guangzhou, en chinois. C'est pareil, Guangzhou, c'est Canton. C'est une traduction simultanée, elle n'est pas du seul. Chinois peut vous dire, c'est une complexité pas possible. Mais enfin, j'essaye d'apprendre quand même. Et donc là, à l'époque, est-ce qu'on voit du vélo, des taxis, des bus? Là, j'adore cette photo, elle est vraiment typique de Canton. Il n'y a pas de voitures, ou très peu, à part les voitures collectives ou les voitures réservées aux officiels. Et 10 ans après, le même endroit quasiment. Là, vous avez les embouteillages, vous avez les routes à 2, 3 ou 4 voies. Vous avez l'arrivée de la pollution. La photo de droite, c'est celle de Chengdu, c'est au milieu du Sichuan. C'est aussi les embouteillages. Vous avez l'arrivée de l'avion. Quand vous arrivez à Beijing, certains jours en hiver, vous ne voyez pas à 300 mètres, tellement c'est pollué. Après ça, vous avez le train à grande vitesse. Ça, c'est en 2011, c'est une année d'arrivée. J'allais faire une enquête entre Shanghai et Hangzhou, qui est juste au sud de Shanghai. C'est le grand delta du fleuve bleu. Et ce que je veux rappeler maintenant, c'est qu'en Europe, il s'est passé quelque chose d'important qui a été la spécialisation des espaces dans les sociétés urbaines et industrielles. Qu'est-ce que je suis en train d'introduire là? J'ai montré les bioénergies. J'ai montré en schématique par les photos le passage des bioénergies aux énergies fossiles, à la voiture, aux embouteillages et à la pollution. Et en même temps, ce que je vous montre, c'est parce que c'est central pour comprendre la mobilité urbaine aujourd'hui, c'est la spécialisation entre les lieux de production, les lieux de distribution et les lieux de consommation. Et je vais vous montrer à la fin qu'aujourd'hui, ils sont en train de se réunir dans le logement, ce qui est nouveau pour moi. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais pour moi, c'est la plus grande nouveauté de la ville de demain, qui est déjà là aujourd'hui. Donc je rappelle juste qu'à partir du 19e siècle, on a ce qu'on appelle les grands passages. Il y en a plein à Paris, là j'en ai un à Bordeaux. Les grands magasins, là c'est la Samaritaine. J'adore cette photo parce qu'elle est complètement étonnante. On peut la faire qu'une fois dans sa vie, ce genre de photo. C'est un type qui est en train de nettoyer, d'abord ça n'existe plus, ça va être refait. Mais il est en train de nettoyer les glaces de la Samaritaine. Et c'était le début des appareils de photo numérique. Il y a très peu de pixels, il doit y avoir 600 pixels. Et puis après ça, on a les supermarchés, notamment ce qu'on appelle les malls américains. Et si vous regardez bien, c'est Victor Bruen qui a créé ça en s'appuyant sur les mailles. C'est le mot du sud-est de la France. Le mall vient de maille. Et pour lui, les malls, c'était des villages, c'était des places de villages. qui étaient des lieux communautaires. Et ce n'est pas exactement ça aujourd'hui, mais c'est quand même des lieux étonnants. Et pour beaucoup de gens, les grandes surfaces, au sens des lieux commerciaux, sont des lieux de loisirs, sont des lieux communautaires, sont des lieux de visite. Il y a une partie des gens pour qui c'est leur heure, d'autres pour qui c'est leur lieu de loisirs. Et je vous ai mis la photo de Val d'Europe où j'ai fait un reportage pour une radio allemande. C'était très intéressant. Voilà, on me demandait d'être là-dedans et de commenter ce que je voyais à Val d'Europe. Et vous remarquerez qu'on retrouve le principe des grandes galeries. Partout. Hein. Là, c'est aux États-Unis. Elle est marrante, celle-là. C'est vraiment à Tampa, en Floride. C'est là où j'ai travaillé pendant 10 ans, mais par morceaux d'un mois en général, avec cet immense crocodile au milieu, un gator en anglais. C'est vraiment le crocodile, c'est le symbole de la Floride. Et là, vous retrouvez aussi à Val d'Europe le même principe des galeries qu'on a partout, y compris en Chine. Et là, c'est le schéma central de la mobilité aujourd'hui, et qui est peut-être en train de changer, où on a une circulation entre la résidence, le travail et les courses, et puis les loisirs. Et ça, c'est très intéressant de se dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être en train de changer. Là, je vous ai montré, j'allais dire, c'est par le bout, même si c'est du monde noir. Les dernières mobilités, c'est la nuit. Enfin, c'est un livre très intéressant fait par un Américain qui s'appelle Melvin, qui montre comment, grâce à l'énergie électrique, on a pu bouger la nuit et faire des activités la nuit. Alors, la nuit, c'était le monde des ténèbres. Et puis, j'ai pris la tombe de Durkheim, qui est à Montparnasse, parce que c'est le père de la sociologie, donc c'est un petit clin d'œil à Durkheim. Je vois du reste, comme c'est une tombe juive, il y a énormément de petits cailloux. Ce qui m'a étonné, parce que je ne pensais pas que Durkheim avait autant de personnes qui venaient voir sa tombe. Moi, j'y vais parce que c'est à côté de chez moi, et que c'est mon papa intellectuel, entre guillemets, tout ça rigolant, mais c'est le père de la socio-anthropologie. À partir de 2000, et c'est ça le point intéressant, c'est on assiste à un retour des bioénergies dans les villes modernes et à une concentration, une reconcentration de ce qui existait avant. Là, je vous montre, c'est quasiment la même personne, le même type de personne. C'est la femme qui est dans les champs ici. Là, elle fait rebouture du manioc. C'est la même qui va rouir le manioc, qui va se mettre dans l'eau pendant 4 jours pour faire partir l'acide cyanhydrique, ce qui rappelle que la nature est dangereuse. Pour moi, la nature n'est pas bonne. Elle est bonne et dangereuse, mais la nature n'est pas bonne en soi. Ça me fait toujours marrer quand j'entends dire que la nature est bonne et que c'est bien. Non, non. C'est les deux. Et comme j'ai une vieille tradition agricole dans mes enquêtes, je n'ai pas d'idéalisation de la nature. C'est très bien la nature, mais pour moi, c'est pas un paradis perdu. C'est la même qui fait qui pile le manioc, et c'est la même qui va vendre le manioc ou surplus du manioc pour les villes. Bien, mon hypothèse aujourd'hui, c'est qu'on est en train de revenir à ça dans les villes modernes, à travers notamment, c'est parce qu'on a fait des enquêtes là-dessus, à travers notamment le living, qui est un endroit assez central dans le logement, avec les écrans. Alors c'est assez mobile parce que le même écran peut se balader entre le living, la chambre, un bureau si on a, la cuisine. On peut travailler debout, on peut travailler, j'ai même des photos de patins à roulettes extraordinaires dans les logements. Ceux qui connaissent le testament de M. Pump, de Hergé, qui date de je ne sais pas combien, 1950, vont retrouver qu'à l'époque déjà, pour aller très vite, M. Pump demandait à tous ses serviteurs de marcher en patin à roulettes et d'aller plus vite, plus vite. Et aujourd'hui, on a ça, le patin à roulettes dans le logement, travailler debout. Je fais beaucoup d'enquêtes dans Open Space ou dans des startups. Là, on voit des gens travailler debout, c'est une mobilité tout à fait différente. Et aujourd'hui, en gros, l'hypothèse que je fais en termes d'émergence, je ne sais pas si ça va généraliser, c'est que le logement est devenu un nouveau hub. Un nouveau hub, puisqu'on peut y produire, c'est le télétravail. Il y a une enquête de la société, le bureau d'études Cité, c'est un contexte de travail de participer, elle n'est pas encore publiée, mais ça sera bientôt publié, qui est très intéressante, qui montre que 25% des New-Yorkais travaillent chez eux. Il y a une partie en télétravail. Donc, quelque part, ce qui est très intéressant, c'est là où on travaille, c'est là où on commande, on va acheter aussi ou vendre, c'est le bon coin, par exemple, on peut acheter et vendre. C'est là aussi où on va consommer, parce qu'on va commander à des libéraux, on va commander à Uber Eats, on va commander des choses, et ça vient à la maison. Et donc, quelque part, on a un retournement de la mobilité. Pour moi, le e-commerce, en termes, disons, d'observation anthropologique, représente un retournement de la mobilité, où avant, on sortait de la résidence, et chez Mac, je vous ai dit tout à l'heure, pour aller acheter à l'extérieur, on continue à le faire, du reste. Hein. Mais en même temps, vous avez, dans les grandes villes, que c'est plus facile là, un retournement de cette mobilité et une concentration des activités de travail, de consommation, de vente et d'achat à l'intérieur du logement. Alors en Chine, c'est par la Chine que j'ai découvert ça, quand j'ai fait une enquête à 70 km de Pékin, c'est des Pékinois, mais ils sont à 70 km parce que c'est trop cher. Avant, comme chez nous, on va de plus en plus loin parce que c'est trop cher d'être dans les cœurs de ville, qui se vident par ailleurs dans certains endroits. Eh bien là, à cause des embouteillages, à cause de la distance, on se fait livrer. Donc quelque part, il y a quelque chose d'intéressant dans le e-commerce qui résout aussi une partie des problèmes de la mobilité, notamment la distance, le coût et les embouteillages. Il va rester combien ? 3 minutes ? 10. Ici, c'est le cœur de ce que je pense aujourd'hui, ça veut dire, je ne sais pas, dans 5 ans, c'est le cœur au sens de ce qui me frappe aujourd'hui, quand je travaille beaucoup sur les innovations, sur le changement, c'est les grandes énergies, je ne sais pas, les énergies fossiles ont eu un immense avantage, c'est qu'elles ont fait des gains de pénibilité, des gains de temps, elles ont rendu les acteurs autonomes, notamment les femmes. Elles ont compensé les pertes d'énergie liées au vieillissement grâce à par exemple, des chaises roulantes électriques, etc. Donc il ne faut pas oublier, même s'il y a plein d'inconvénients aujourd'hui en termes d'environnement et de pollution, ne pas oublier qu'est-ce que ça a apporté pendant 50 ans. C'est important de se rappeler pourquoi c'est important. Non pas parce que le bon vieux temps était mieux qu'avant. Laudator Temporis Lactis, M. Amir Latin, c'est le titre d'un livre que j'adore, le sous-titre c'est « C'était mieux avant », écrit par Gère Fagnon, qui est un latiniste distingué et qui montre que déjà Cicéron disait « au tempora homore », c'est-à-dire avant, où allons-nous aujourd'hui, vraiment, plus rien ne va, plus rien ne va. Donc c'est vieux, ça fait longtemps qu'on pense que c'était mieux avant, c'est un truc de vieux point, il suffit de l'accepter, on va très bien avec ça. Et donc, c'est pas ça l'idée qui est là, c'est de rappeler simplement que l'innovation aujourd'hui ne va pas vers un plus, elle va vers un moins, en tout cas en partie vers un moins. Bon, c'est simplement à l'exemple de la cuisine. Moi, je suis sensible à ça, non seulement à travers les enquêtes, mais parce que j'ai 4 enfants, ma femme est partie un jour en laissant les 4 enfants, donc je suis parfaitement adapté aux activités ménagères. En plus, j'appartenais à une famille de 7 enfants, on était rodés aussi, sinon on ne bouffait pas, donc il fallait savoir faire la cuisine. Donc, j'ai bien compris, quand j'ai vu qu'il fallait faire plus de cuisine, que ça allait complètement changer la vie de tous les jours. Faire des légumes, ça peut demander 1 heure ou 2 heures. C'est très bien de faire ça, hein. Mais vous voyez bien la charge mentale ou la pénibilité que ça augmente. Il y en a qui aiment faire ça aussi, je ne dis pas le contraire. J'essaye juste, non pas de justifier ni un côté ni l'autre, de rappeler que les innovations aujourd'hui, pour avoir une consommation plus économe, ce qui me paraît indispensable par rapport au risque de guerre que j'ai montré au début, eh bien, vont se heurter à des problèmes auxquels on n'est pas habitué, parce que c'est pour faire moins, et non pas plus. Et ça ne facilite pas la vie, notamment quand on est plus âgé, faire du patin à roulette, faire la trottinette, voire du vélo, c'est pas forcément le plus simple. Moi, je vais à pied. Et ça me donne des crampes, parce qu'avec l'âge, j'ai plus de crampes. Enfin, je ne vais pas tout vous dire non plus, mais ça, c'est des problèmes d'énergie humaine. Et donc, pour moi, la méthode anthropologique consiste principalement à observer, à y regarder ce qui se passe. C'est ce que je vais faire maintenant pour terminer. Donc là, j'ai été au Danemark en 99, j'étais frappé par l'importance des vélos, qui n'étaient pas du tout ça en France. Et on pouvait se balader, vous voyez, avec des enfants sans problème. En Chine, on voit arriver le mix énergétique entre les vélos traditionnels des pauvres aux vélos de la classe moyenne. En France, c'est l'arrivée du Vélib en 2007. À Ipanema, à Rio, je fais des enquêtes aussi, c'est aussi l'arrivée du vélo dans les quartiers classe moyenne. Là, c'est à Shenzhen, c'est à Beijing, à Pékin. On a le vélo électrique avec un petit chien. Et le chien, c'est le signe de la classe moyenne, parce qu'avant, on n'a pas le droit d'avoir des chiens où on les bouffait. Là, on les garde avec soi. Et à droite, vous avez les Vélib. À Beijing, ils sont en train d'arriver. Là, ici, c'est rue Daguerre, en 14e, à côté de chez moi, c'est pour ça que j'ai pris la photo. On rétrécit l'espace, on en parlait tout à l'heure au début, l'espace des rues pour qu'il y ait moins de voitures. On réserve ça aux piétons, on réserve ça aux vélos. L'arrivée du Vélib libre, que j'ai vu à Shenzhen il y a un an, on peut le mettre n'importe où. Maintenant, c'est possible aussi en France. Pareil pour la trottinette. Vous voyez, on veut bien l'arrivée. J'ai mis propriété ou location. Je ne suis pas convaincu, personnellement. Et ça, c'est pas... Voilà, regardez, est-ce que vraiment on passe complètement à la location, sous contrainte peut-être. Mais restons prudents, raisonnons location et propriété. On verra bien après. Le retour d'énergie humaine, ça c'est dans un passage, je crois que c'est dans le 9e, on voit toute une équipe, je ne sais pas si ce n'est pas une équipe chinoise, pour tout dire, c'est la société, en train de faire, oui, sur la gauche, là, en train de faire l'exercice vers 10h. À droite, c'est plus classique, c'est un monsieur qui fait ça pour jogging. Là, vous avez aussi l'apparition de tous ces magasins à la fois plus écologique et plus important, c'est en plein développement aujourd'hui, même si c'est moins de 4% le bio, hein, peu importe. On voit bien que là, on a quelque chose qui bouge, mais ce n'est pas grand-chose encore, et surtout équitable. Ça, pour moi, c'est nouveau. C'est le fait que maintenant, on a une filière, on avait des filières équitables avec le café avant, maintenant, c'est des filières équitables en France. Vous avez aussi, à travers ces magasins-là, une baisse de l'emballage, hein, c'est le vrac. Même si ça pose des problèmes juridiques dans certains cas, on remplace par du vrac, notamment avec des petits tuyaux. Ça, je l'avais vu il y a 15 ans aux États-Unis. Et le point intéressant, c'est que par ailleurs, le e-commerce augmente les cartons. Une industrie en pleine expansion en France est celle du carton, aux États-Unis aussi. Donc on a ce mélange assez curieux. On économise le carton d'un côté, mais on le redéveloppe de l'autre par ailleurs. Là, c'est pour montrer aussi la mobilité du gaz, de l'électricité, tous les travaux qu'on a aujourd'hui à Paris. Et en me disant, tiens, c'est là où le EDF et l'EDIS au moins sont d'accord, ils sont ensemble sur le trottoir. Ils font le trottoir tous les deux, l'un en rouge, l'autre en jaune. Vous avez aussi le retour de la nature. Ça, c'est au sud du 14e, et très intéressant. Avec toute la petite ceinture qui a été aménagée et qui va jusque vers la porte d'Italie. Là, ça a été évoqué aussi aujourd'hui, si on change de mobilité, on est sur des problèmes de démocratie participative. C'est pas simple du tout, mais c'est intéressant. La rue, c'est aussi, on est plein, hein, la rue, c'est aussi un lieu de contestation. Là, c'est le feu de police que j'ai pris sur un parcmètre, hein, de mobilité. Donc, je trouvais ça plutôt... J'en ai plein comme ça. Je pensais qu'il y en avait très intéressante sur les urgences que je n'ai pas encore vues. Là, c'est un petit clin d'œil aussi sur la Chine. Vous avez, ça c'est un magasin, c'est Bali, Lichan, Gongse en chinois, c'est-à-dire c'est une agence immobilière. Là, vous êtes dans le quartier chinois et pratiquement tous les magasins sont chinois. Que ce soit pour le tourisme, pour un avion, pour acheter un logement, louer un jouet, etc. Là, vous avez toute une intégration des Chinois là-dedans. Et à droite, c'est aussi un clin d'œil, j'ai découvert ça récemment. C'est une peinture, c'est du street art, hein, maoïste, dans un milieu de grand ensemble dans le sud de Paris. Ça, c'est toute une mobilité. Et j'ai vu un truc, voilà, ça pour moi, c'est très intéressant, je ne sais pas ce que ça va faire, c'est la photo de droite. J'ai découvert ça il y a deux jours, en faisant mes photos pour penser à aujourd'hui. C'est un lavage automoto, j'ai regardé dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de robinet. Et apparemment, on peut laver à sec. Moi, je ne connaissais pas, peut-être que tout le monde connaît ici. Voilà, ça, je regarde. Et lui, tiens, voilà un petit truc. C'est ce qu'on cherche, les signaux faibles. Voilà un truc intéressant. Je ne sais pas ce que je vais en faire après, on verra bien. Et ça, c'est vraiment le boulot, de toujours regarder qu'est-ce qui émerge à droite ou à gauche. Alors, celle-là, bon, je voulais d'abord montrer la cohabitation des religions qui est directement liée à l'immigration. Dans l'église où j'ai été, je regarde toujours, qu'est-ce que je vois? Le malheureux prêtre en noir est barré d'une croix. Donc, quelque part, je me dis, la cohabitation des religions n'est pas toujours simple. Visiblement, la personne qui l'a barré n'était pas fanatique. Après ça, on a le vieillissement des populations, avec un EHPAD ici qui est magnifique, et puis une personne âgée. Ça, pour moi, en plus, comme j'approche de cet état-là, potentiellement, je me dis, ça, c'est un problème. Je pense souvent aux trottoirs, je me dis, quand il y aura les trottinettes, les roues qui roulent toutes seules, les rollers, les handicapés autonomes ou poussés, où est-ce qu'on va mettre tout ça? À mon avis, on va déplacer les embouteillages des bagnoles avec les embouteillages à base d'énergie humaine ou électrique. Bon, on verra. Mais ça, pour moi, c'est un problème tout à fait sérieux. Je n'ose pas y penser. Ça, c'est un sondage qui montre que pour les vieux... Voilà, ça, c'est pour symboliser l'augmentation des plateformes et le changement du e-commerce. Et ici, j'ai pris une pub dans le métro où on voit la personne qui fait sa commande pour déjeuner, et à droite, un réfrigérateur qui était une innovation, une invention de Samsung, je crois, c'était aussi en Corée, où on voit comment l'écran permet de gérer les stocks. Ça symbolise ce que j'expliquais tout à l'heure pour dire l'espace domestique, c'est le lieu, le hub, voilà. On fait signe que c'est l'heure, j'ai dépassé, et je vais m'arrêter là-dessus, voilà, sur les échelles d'observation. Une exposition sur les jardins, comme c'est mon dada, les échelles d'observation. C'était voilà, la première échelle d'observation au XVIIIe siècle. L'important d'échelle d'observation, c'est qu'il faut tout le temps changer d'échelle pour savoir à quel endroit il va y avoir un changement pertinent. Merci pour votre attention. Bon. J'avais raison, hein. Depuis le temps que j'attendais l'anthropologue, qu'est-ce que je retiens? Oui. Je retiens que le vieux schéma, et je pense qu'il y en avait quelques-uns qui s'attendaient à ça aujourd'hui, de dire il y a la pollution, la voiture est responsable de la pollution, on vire la voiture, on met les trottinettes, etc. Ben, on est loin du compte. Voilà. Parce que ce que nous a montré Dominique, c'est que finalement, la mobilité, c'est bien autre chose que ça. La mobilité, ça répond, je dirais, à la fois au mode de vie et à la fois à l'énergie. Hein? La mobilité, ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on est dans une impasse environnementale. Il y a ce réchauffement climatique, il y a cette pollution atmosphérique, puis il y a de plus en plus de trafic, et puis il y a de plus en plus de bruit. Et le deuxième, c'est qu'on est dans une impasse sociétale parce qu'il y a une aspiration forte aujourd'hui, voire majoritaire, à des citoyens qui évoluent, avoir une vie plus paisible, en tout cas moins agressive. C'est un petit peu comme ça, je pense, qu'il faut voir les choses. On a parlé de la géopolitique, on a parlé de l'économie, on a parlé des bioénergies, on a parlé de tout ça. Finalement, la mobilité, c'est vrai que c'est beaucoup plus important que la suppression de la voiture. Alors, la transition, on va essayer de la faire avec nos deux invités pour la table ronde, que je vais demander de venir et que je vais présenter, et qui, eux, vont nous montrer comment, effectivement, on peut répondre à ces questions qu'il y a à la fois les modes de vie et la technologie. Alors, une petite parenthèse pour vous dire que j'ai quand même une frustration aujourd'hui. C'est que j'aurais aimé avoir ici un urbaniste. Voilà. On en a contacté quelques-uns, un petit peu tard, bon, ça ne s'est pas fait. On fera, je pense, une autre conférence un jour. Mais, bon, l'urbaniste nous aurait expliqué que la ville est en train de changer. On pourrait en dire deux mots. Il n'y a ici que des spécialistes de l'immobilier. On pourrait parler de ces immeubles qui se transforment. Je pense à un immeuble à Lille que je connais bien, puisqu'il a été acquis par la Française, ou qui est sur la gare de Lille-Flandre et sur laquelle on a un rez-de-chaussée avec la possibilité de garer 1000 vélos. On pourrait parler d'autres choses, et puis les personnes autour de la table ronde vont nous montrer un petit peu comment le bâtiment aussi évolue. La ville elle-même, c'est, vous connaissez tous, Dominique en a parlé, c'est des voies qui, pour les voitures qui se rétrécissent, c'est des voies pour les vélos, c'est tout ce travail qui consiste à faire cohabiter à la fois les vélos, les voitures, les piétons. C'est aussi cette nouvelle vie qu'on a, c'est-à-dire que dans les années 70, on était plutôt sur des approches métro, boulot, dodo. Et aujourd'hui, on marche toujours. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on se repose, on déambule, on déjeune dans la ville. Et il y avait une image qui me plaisait assez, c'est qu'on disait que jusqu'alors, dans les parcs, on voyait plutôt les vieux assis sur les bancs. Et maintenant, on commence à voir des jeunes qui travaillent, etc. etc. Alors, tout ça, effectivement, c'est des changements de mode de vie. Et on va voir comment, effectivement, aujourd'hui, on essaie de mettre en place et de s'adapter à ces nouveaux modes de vie. Alors, pour la table ronde, on a aujourd'hui, je prends une petite note, voilà, pour ne pas me tromper, on a deux représentants. Alors, on est pas mal, hein, je dirais, on a le représentant d'un géant de l'industrie, Renault, ah oui, quand même, et puis on a une start-up qui s'appelle Mobility. Alors, on va commencer par Renault. Quand l'équipe de la Française m'a dit « on va inviter Renault », j'ai dit « ils vont nous parler de la Zoé, de la voiture autonome. Est-ce que ça nous intéresse autant que ça ?» Et puis je me suis rapproché de Frédéric Malefant. On a eu une conversation et là j'étais assez scotché parce qu'un géant de l'industrie comme Renault, ben, figurez-vous qu'il se mettent de plus en plus à embaucher des urbanistes, ils travaillent de plus en plus avec les villes, ils travaillent de plus en plus avec les investisseurs, et là, ils vont nous dire comment. Et on s'aperçoit que ce fabricant de voitures, ce fabricant de mobilité s'intéresse de plus en plus à la ville, et on va le dire, hein, de plus en plus au service. Voilà. Alors, La mobilité, j'ai retenu, mais vous allez me développer ça, une grande tendance, on l'a vu. La mobilité, c'est à la fois les personnes, mais c'est aussi les marchandises. La mobilité, vous m'avez dit, ben, c'est de plus en plus électrique et c'est de plus en plus partagé. Et puis la mobilité, c'est comprendre aussi l'organisation de la ville. Vous allez nous expliquer comment vous travaillez, je crois, à Rouen. Et puis la mobilité, c'est développer aussi des systèmes de recharge. Ça, vous allez nous en parler aussi, notamment sur une expérience que vous avez eue avec Sogeprom, sur un immeuble qu'à la française, on connaît bien, qui s'appelle Ampère Plus. Voilà. Je vous laisse la parole pour un petit peu nous parler de tout ça. Et puis j'interviendrai pour quelques questions. Merci, enfin, d'abord merci de nous avoir invités. Alors, effectivement, je suis Renault, mais en fait, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, je suis du groupe Renault-Nissan, donc on travaille beaucoup à l'international. Moi-même, j'étais en poste dans plusieurs endroits, donc au Japon, etc. Effectivement, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a de plus en plus d'architectes, enfin des gens qui viennent de votre monde, hein, dans le monde de l'immobilier. Alors, déjà, nous-mêmes, en fait, on a quand même des installations immobilières conséquentes. On a déjà des spécialistes de l'immobilier chez nous. Mais c'est vrai qu'on a des collègues qui sont architectes ou urbanistes et qui, par exemple, travaillent sur les futures villes en Chine, par exemple, en Inde, bien sûr en Europe aussi, hein, mais aussi au Brésil. Pour repartir sur la mobilité, effectivement, les grandes tendances que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on avait peut-être oublié certains modes de transport un peu traditionnels, hein, les mobilités douces, et on avait peut-être une focalisation sur ou le transport en commun ou la voiture particulière, hein, qui a été finalement vecteur quand même de progrès pour beaucoup de gens. Mais on voit revenir, et c'est tant mieux, un complément de la mobilité avec ce qu'on appelle des systèmes de mobilité douce. Hein. Donc on voit effectivement les rollers, mais aussi les trottinettes, les vélos électriques, etc. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire en fait que du coup, on a une offre de mobilité qui est de plus en plus riche pour les gens qui cherchent à se déplacer, que ce soit en fait les transports des personnes comme les transports de marchandises. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, quand on dit plusieurs systèmes de mobilité, ça veut dire en fait que ça peut devenir un peu complexe pour les personnes ou même les gens qui font de la livraison de trouver la bonne solution en utilisant tous ces moyens de mobilité. Et ce qu'on va arriver, et puis là, on va avoir en fait probablement quelqu'un qui va beaucoup mieux parler que moi là-dessus, c'est des solutions qui permettent justement de composer un trajet le plus adapté possible par rapport à des problématiques peut-être de coût, enfin d'abord souvent de temps de déplacement, de coût, voire même des aspects environnementaux. Ça peut être en fait l'optimisation en fait de l'empreinte carbone par exemple d'un moyen de transport, d'un trajet plutôt, qui va utiliser plusieurs moyens de transport. Donc là je fais un peu référence à des solutions qui sont des applications qui optimisent les différents transports qu'on utilise. Ça peut être très local comme ça peut être mondial. Alors local, ça va être plutôt des applications qui sont développées avec les transporteurs locaux, ou des applications faites par des startups, ou des applications qui sont gérées par des autorités de transport. Comme par exemple, à Paris, on a Île-de-France Mobilité qui a lancé un gros travail sur des plateformes intermodales, multimodales. Mais au niveau mondial, en fait, on a plutôt les GAFAM qui se positionnent là-dessus. Donc on voit l'arrivée quand même de nouveaux acteurs pour nous, hein, dans la mobilité. On le disait aussi tout à l'heure aussi, la mobilité devient de plus en plus électrique. Alors ça, c'est important de comprendre, c'est pas seulement... Alors, enfin, nous, on est assez contents parce qu'on a été les pionniers, hein, parce que le groupe, c'est quand même Renault, c'est Nissan, Mitsubishi, on est vraiment tous les premiers de l'électrique. C'était un gros pari, hein, qui a été fait il y a à peu près une dizaine d'années. Ce qu'on voit, c'est que tous nos concurrents, nos collègues, en fait, sont en train de développer une offre de mobilité électrique très conséquente. Donc finalement, ça prouve qu'on n'a pas dû se tromper trop à ce moment-là. Et surtout, ce qui se passe, c'est que cette offre-là fait que nos fournisseurs, par exemple, aussi développent énormément de composants pour toute l'industrie automobile. Et du coup, on va se retrouver avec une offre de mobilité électrique qui est en train de baisser énormément en termes de coût. Hein. Vous connaissez tous le coût des batteries, qui est très cher. Aujourd'hui, on a des technologies batteries qui sont de plus en plus différenciées en fonction des usages. Et on a des batteries qui commencent à coûter vraiment très, très peu cher. En fait. Ça commence à se démocratiser. Donc là, il y a un événement, enfin, il y a quelque chose qui se passe autour de la mobilité qui est vraiment très important. Ça touche tout, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement les voitures, hein, ça touche aussi les bus, ça touche les taxis. Vous avez peut-être vu que Renault a investi aussi dans une société de VTC, on a une partie de nos VTC qui sont en électrique. Ça touche aussi les systèmes de livraison, mais ça touche aussi, on parlait de la mobilité douce, les trottinettes électriques, on en parlait, les vélos électriques et ça. Donc l'électrification, en fait, est en train de s'étendre. C'est pas qu'un problème de mode, c'est pas qu'un problème de réponse à des questions environnementales, c'est en fait baisser l'empreinte carbone. Au niveau de l'Europe, et ça c'est intéressant parce qu'on est souvent amené, nous, à travailler avec l'Union européenne, au niveau de l'Europe, c'est aussi un des enjeux géopolitiques, dans le sens en fait que l'électricité, finalement, c'est, enfin, grâce aux énergies renouvelables en grande partie, c'est un des moyens de devenir indépendant d'un point de vue énergétique. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant avec l'électricité, c'est que c'est un des moyens aussi de relocaliser certaines choses, c'est en fait de relocaliser la production d'électricité. C'est qu'il est possible d'avoir une production locale d'électricité, donc en fait finalement d'être plus indépendant sur l'aspect énergétique, donc ça va aider l'indépendance sur l'aspect transport. Alors, il y a aussi l'autre mot qui est important, c'est l'aspect partagé. Effectivement, si j'ai plus de moyens de locomotion, ben, je ne peux peut-être pas quand même acquérir tous ces moyens de locomotion. Donc là, ça commence à être un petit problème budgétaire. Donc la façon que je vais avoir pour m'en sortir, si je veux vraiment utiliser au plus, le mieux possible, la palette des systèmes de transport, ben, ça va être en fait de les partager. Donc ça, c'est d'une vue un peu économique. C'est tout le développement du car sharing, enfin, des voitures partagées. Alors, on partage une voiture. Ça peut être ma voiture personnelle que je partage. Ça peut être des voitures en fait, qui appartiennent à une flotte, c'est l'équivalent d'Autolib. Hein. Alors même si effectivement ça semble avoir eu des difficultés, mais en fait ce système-là se développe néanmoins partout. Mais ça peut être aussi un partage d'un trajet. C'est en fait c'est qu'on se met à plusieurs pour partager un trajet. C'est le succès que l'on a avec des BlaBlaCar par exemple. Le partage, ça aussi a quelque chose d'assez important sur l'aspect enfin, sociologique, mais là je ne vais pas aller trop sur ce terrain-là parce qu'en fait on a des spécialistes. Et aussi c'est un aspect aussi très important pour les villes ou les territoires, parce qu'effectivement on a cette problématique d'optimisation de l'espace urbain, par exemple. Hein, mais quand on travaille sur des territoires, les territoires nous disent un peu la même chose. Hein. Donc le fait d'avoir en fait une densité des véhicules partagés fait forcément qu'on aura une densification en fait des passagers par exemple par véhicule et du coup ça permet en fait de réallouer de l'espace à d'autres activités dans les villes par exemple. Dans les tendances aussi, une chose importante aussi c'est la transformation de l'écosystème. Alors si on est l'un à côté de l'autre, ça c'est assez intéressant. Moi je représente bien sûr une grosse entreprise. Mais on travaille de plus en plus, et ce n'est pas un effet de mode, hein, on travaille de plus en plus avec des startups. Pourquoi ? Parce que justement, dans ce qui est en train de se développer, même nos grosses industries ne sont pas capables forcément de développer toutes les briques technologiques qui sont nécessaires pour s'adapter à des problématiques souvent locales, très techniques. Hein, et du coup, les startups ont leur rôle, et ce n'est pas un hasard si y a beaucoup de startups et si beaucoup de nos grosses entreprises ont investi dans des incubateurs pour justement aider des startups à apparaître, à fonctionner, à se développer. Alors certaines startups vont rester comme étant en fait des fournisseurs de solutions, d'autres startups vont en fait être à un moment donné réintégrées, rachetées. En fait, on voit des investissements conséquents, mais nous en faisons en fait des investissements assez conséquents sur des startups autour de la mobilité, autour des services de mobilité, on en fait beaucoup actuellement. Donc là, on voit qu'il y a aujourd'hui un fonctionnement où on a des grands groupes qui travaille de plus en plus avec des startups, des petites entreprises. Mais il y a aussi autre chose, et ça c'est l'allusion que vous faisiez tout à l'heure avec le monde de l'immobilier, c'est qu'on voit qu'il y avait des industries qui étaient habituées à travailler un petit peu en silo. Donc par exemple, s'il y avait un développement immobilier quelque part, il y avait les gens du monde de l'immobilier en fait, qui savaient faire leur construction, etc. Donc c'était un certain type d'industrie. Travaillant beaucoup sur l'optimisation des coûts, effectivement. S'il y avait un développement immobilier, par exemple, bien sûr, il y avait des personnes qui venaient, donc il fallait apporter une solution de transport, les fabricants de voitures ou autres, ou les fabricants de bus, etc., en fait, apporter des solutions de transport, c'est pareil, en général, très très peu en relation avec ceux qui avaient le développement immobilier. Mais il fallait de l'énergie aussi, donc c'est pareil, les gens qui apportent de l'énergie, connecter ce développement-là avec leur réseau, ou de gaz ou d'électricité, très très peu, encore une fois, en connexion. Et ce qu'on voit, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce modèle-là a l'air de plus fonctionner réellement. Et ce qu'on sent, c'est que quand on est en contact avec des villes, on est beaucoup en contact avec la ville de Paris, mais pas que, on parlait de Rouen aussi, quand on est en contact avec des villes ou alors avec des régions, ce qu'on nous demande, c'est pas de faire une réponse que automobile, dans notre cas, mais c'est de venir avec d'autres partenaires, qui sont des partenaires d'autres secteurs, en particulier, on a fait une allusion en fait à l'immeuble de la société de Sogeprom, donc un nouveau siège qu'il y a en fait à la Défense, on nous demande en fait de venir avec une forme de consortium le plus possible possible, de façon à ce qu'on apporte une réponse complète aux décideurs qui disent, ben moi, si j'installe un certain développement quelque part, je veux certes avoir une réponse sur l'aspect du bâti, sur l'aspect de la construction, mais je veux avoir aussi une réponse sur l'aspect du transport, sur l'aspect de l'énergie, etc. Et je ne veux pas, moi, avoir à traiter tous ces sujets-là séparément. Donc, si vous êtes capable de venir avec une sorte de réponse concertée, cohérente avec plusieurs industries, ça me convient beaucoup plus. Et donc, du coup, on s'aperçoit que nous devons travailler avec des nouvelles industries, avec des industries avec qui on n'était pas habitué en fait, à travailler. Et ça, ça change énormément, énormément notre façon de travailler. Alors, sur l'immeuble, un peu plus, c'est intéressant. Oui. Effectivement, le développement du véhicule électrique a fait qu'on s'est aperçu, pour être assez franc, on a développé, j'ai vécu une aventure un peu particulière, c'est que j'ai participé au développement du véhicule électrique au Japon, à un moment donné, on est Fukushima. Fukushima, par le côté un peu catastrophique, ça voulait dire, en gros, le Japon avait 30 à 40% de moins d'électricité. Donc on lance un véhicule électrique, il n'y a plus d'électricité. C'est quand même, là, on était quand même il y avait quand même un certain problème. Et puis, finalement, en travaillant un peu la problématique, on s'est aperçu que, ben oui, mais le véhicule électrique, certes, c'est un consommateur d'électricité, mais une fois que l'électricité, d'abord, quand il consomme l'électricité, il sait faire la flexibilité. Donc, en fait, il sait ajuster sa consommation d'électricité en fonction de la disponibilité d'électricité, ce qu'on appelle la flexibilité. Et puis, de temps en temps, si l'extérieur a besoin d'énergie supplémentaire, ben finalement, moi, j'en ai dans ma batterie, je peux éventuellement restituer et donc aider, je peux restituer l'électricité. Et du coup, on s'est aperçu que le véhicule électrique, c'est pas seulement un véhicule, c'est pas comme un véhicule thermique qui remplit son réservoir, voilà, sauf que là, c'est des électrons. En fait, le véhicule électrique, c'est un élément très important dans toute la chaîne d'approvisionnement, en fait, de gestion de l'énergie électrique. Et ce qui est clé pour les électriciens, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. Et donc, si on positionne le véhicule électrique pas seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme un moyen pour apporter de la flexibilité au réseau électrique, eh bien, en fait, on résout un des gros problèmes qu'ont les électriciens. Et du coup, en fait, on a même une partie de nos revenus qui peuvent venir on a des revenus qui aujourd'hui viennent des énergéticiens. Alors, ça peut être un énergéticien local, dans un bâtiment. C'est-à-dire que si je développe un bâtiment à énergie positive, très souvent, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir une production d'énergie qui est déphasée par rapport à la consommation d'énergie. Donc, en fait, là encore, il faut un besoin de flexibilité et souvent de stockage. Et les véhicules électriques, ben, au-delà, en plus d'apporter une solution de transport, en fait, permettent finalement de donner cette flexibilité dont le bâtiment peut avoir besoin. Alors, avec la batterie dans la voiture, mais comme on a aussi l'industrie automobile travaillant beaucoup sur, c'est une industrie de masse travaillant beaucoup sur l'optimisation des coûts, il se trouve que les batteries des voitures électriques sont très performantes, mais en plus elles sont finalement assez peu coûteuses par rapport à des batteries que vous allez trouver sur le marché. Et donc, l'idée c'est de pouvoir réutiliser ces composants, là, des batteries de voiture, pour mettre des systèmes de stockage stationnaires dans des bâtiments. Donc, on a eu la chance en fait de rencontrer des équipes de la Société Générale, en fait, précisément de Sogeprom, qui était aussi intéressé par les immeubles à énergie positive. Hein. Donc, c'est le concept de bâtiment à l'origine. Je crois que c'était bâtiment I+, en fait, le premier concept, hein, qui s'est appliqué effectivement au nouveau siège de la société, enfin de Sogeprom, en fait, qui est le bâtiment Ampère Plus, donc à la Défense. Et effectivement, nous avons installé dans ce bâtiment, alors au début c'était deux batteries de Kangoo, mais ça a dû évoluer, je crois que c'est 4 ou 6 maintenant, 8, bon, voilà. Donc ça prouve que ça marche et que c'est rentable. Donc en fait aujourd'hui, Sogeprom a rajouté en fait des batteries de voiture électrique et ces batteries servent effectivement à gérer le déphasage qu'il peut y avoir entre consommation et production d'électricité dans ce bâtiment. Donc là on voit que, alors qu'on est fabricant de voitures à l'origine, on voit que on travaille avec des gens du monde de l'immobilier, de la construction, et on travaille avec des gens en fait, du monde de l'énergie pour que nos solutions finalement soient consistantes et cohérentes. Alors finalement, Jérémy Rifkin, que j'adore, n'avait pas tort quand il disait que le bâtiment allait devenir producteur et stocker et revendre de l'énergie et mettait la voiture. Et j'ai même entendu dire, je ne pense pas que ce soit un secret, mais qu'aujourd'hui vous travaillez, vous n'aurez pas le temps de nous confirmer, mais je pense que oui. Vous travaillez sur des voitures intelligentes qui vont être capables d'analyser au fil de la journée, l'utilisation qui en est faite, et de pouvoir restituer ensuite dans l'immeuble ou dans le logement la part d'électricité qui ne sera pas consommée, etc. Deux mots. Bon. Alors, effectivement, on travaille sur des voitures intelligentes, des voitures autonomes très intelligentes sur tous les aspects transport, mais aussi sur l'aspect énergie. Effectivement, plus on travaille beaucoup sur l'analyse des données, le big data, c'est un grand mot, mais effectivement, c'est une réalité. On analyse énormément de données sur le fonctionnement des véhicules, sur l'aspect transport, mais c'est aussi sur l'aspect énergie. Voilà comment la mobilité a aussi son mot à dire dans. Je voudrais juste rajouter un truc qui est très important, c'est qu'en fait, on travaille sur des véhicules très futuristes. En fait, vous avez dû en voir peut-être sur Internet ou sur la télévision et autres. En fait, on travaille sur des voitures complètement autonomes. Donc, on a plusieurs concepts qui ont été présentés récemment. Encore il y a quelques jours, on a présenté un concept qui s'appelle EasyPro, en fait, qui est un concept de véhicule de livraison complètement automatisé. Il est sur CNews. Voilà. Donc, on travaille là-dessus, mais on travaille aussi sur les solutions intermédiaires. En fait, ce qu'on pense, c'est que. Ce qui est important maintenant, c'est dès qu'on a des capacités de quelque chose, par exemple quand une entreprise ou un bâtiment en fait, a des capacités de transport, par exemple par une flotte, ce qu'il faut, c'est bien sûr optimiser l'utilisation de ces capacités par exemple pour les habitants, les utilisateurs de ce bâtiment. Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir générer des revenus, en gros pour compenser les coûts, en sachant partager les capacités que j'ai avec le reste, par exemple, de la ville, quand je suis. Et on travaille énormément sur les services de mobilité dans ce sens, c'est-à-dire les services de mobilité pour améliorer la mobilité des utilisateurs premiers, mais aussi des services de mobilité qui font en sorte qu'on sait générer, on sait optimiser l'utilisation et générer des coûts éventuellement en profitant de ces capacités et en les monnayant. Ok. Alors, on est toujours dans le mode de vie. Et là, dans le mode de vie, mais un petit peu aussi dans le monde du travail. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est confrontée à la mobilité. Elle y est même obligée par la réglementation, puisque les entreprises de plus de, je ne me souviens plus d'employés, mais vous le direz, ont l'obligation de mettre en place des plans de mobilité. Alors vous, Mobility, Lucas Quinaud-Desbrouck, qui est un des fondateurs de cette start-up, vous vous êtes dit, après tout, il va falloir optimiser ça, à la fois pour l'employé, qui, quand il rentre le soir chez lui, qu'il a fait ses heures de travail, a besoin de ne pas perdre son temps, d'arriver assez rapidement à la maison, etc., etc. Et puis aussi pour l'entreprise, parce que l'entreprise a tout intérêt, effectivement, à optimiser la mobilité de ses employeurs. Qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez créé? Très bien. Alors, l'employé, oui, mais l'employé, en soi, c'est un individu parmi d'autres. Nous, la réflexion qu'on s'est fait, c'est aujourd'hui, une personne a besoin de se déplacer. On a deux stats qui sont importantes pour nous. C'est les gens ont tendance à moins posséder de véhicules. Si on prend notamment les jeunes de 18-25 ans, en 2017, ils étaient 40% à passer leur permis contre 75% en 2013. Et aujourd'hui, un jeune à moins de 30 ans, il va posséder en moyenne 6 applications de transport sur son téléphone. Donc il y a cette logique d'usage qui se met en place, de multi-usage, on va vers la multimodalité. Et on s'est dit, comme ce que vous disiez tout à l'heure, Gérard, on est aujourd'hui un peu dans une jungle des transports avec énormément de services qui se mettent à apparaître. On a sur Paris 17 applications de covoiturage, on a 4 services de vélo partagé, autant en trottinette, enfin ça commence à devenir vraiment le bordel. À chaque fois qu'on veut utiliser un nouveau service, c'est une nouvelle application à télécharger, c'est un nouvel itinéraire à consulter sur des critères de temps, de coût, d'impact environnemental. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qu'on va créer une plateforme qui va agréger l'ensemble de ces modes de transport et qui va nous permettre de nous accompagner finalement dans nos déplacements de tous les jours. Donc on a fait effectivement le choix de s'orienter vers les entreprises parce que la problématique est importante. Le déplacement en région Île-de-France, le déplacement domicile-travail, ça représente en moyenne 2 heures par jour. C'est une grosse partie de notre temps quand même. Un temps qui est très mal utilisé puisqu'il ne permet pas de remplir de fonctions utiles en fait pour l'être humain tout simplement. Et on s'est donc orienté vers l'entreprise pour les accompagner dans la mobilité de leurs collaborateurs. Donc aujourd'hui, il y a deux lois qui sont importantes. Il y a la loi de transition énergétique. Pour la croissance verte, qui dit que toute entreprise de plus de 100 collaborateurs doit mettre en place un plan de mobilité. Un plan de mobilité, c'est quoi? C'est l'étude des besoins, des attentes des collaborateurs d'un point de vue mobilité pour pouvoir y apporter des solutions. Donc, c'est une réglementation qui est très faible, mais qui permet en tout cas de commencer à inciter les entreprises en tout cas à se lancer vraiment dans ce genre d'études. Et on a une nouvelle loi qui devrait être votée, alors qui devait être votée en début d'année, puis en fin d'année finalement qui est apportée à début 2019, hein, qui est la nouvelle loi d'orientation de mobilité, qui prévoit notamment de proposer aux collaborateurs non plus le remboursement de 50% du titre de transport Navigo notamment, mais un budget de mobilité de 400 euros par an. Donc c'est une première évolution qui va permettre finalement de proposer aux collaborateurs un usage multiple de la mobilité et non plus uniquement les transports en commun ou le véhicule individuel. Donc Mobility, comment est-ce qu'on intervient là-dedans? On va proposer aux entreprises une application mobile à déployer auprès de leurs collaborateurs. Cette application, elle agrège un ensemble de modes de transport, que ce soit des transports publics, des transports privés ou même des transports spécifiques à l'entreprise. Si elle a par exemple sa propre flotte de véhicules, sa propre flotte de vélo, de trottinette ou autre, sur une application unique qui va prendre en temps réel un certain nombre d'informations pour proposer des trajets optimisés en temps, en coût et en termes d'impact environnemental. Impact environnemental qui est en soi un très faible facteur de décision pour le déplacement des gens. Donc comment est-ce que nous on a fait pour essayer d'inciter davantage ces personnes à changer leurs habitudes? Sur chacun de leurs déplacements avec l'application, on va convertir leurs économies de CO2 par rapport à l'utilisation d'un véhicule individuel en une monnaie virtuelle qu'on a appelée SIDS et qu'ils vont pouvoir échanger contre des offres de partenaires ou contre des offres de l'entreprise si celle-ci est cliente. Cette application, elle leur permet de gérer leurs déplacements de tous les jours, de prévoir des déplacements. Elle permet de gérer l'aléa. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une problématique, par exemple ma ligne de transport aujourd'hui, il y a un accident, on va pouvoir proposer à l'avance un itinéraire bis pour ne pas perdre de temps, ne pas arriver en retard par exemple. On va avoir la capacité de s'adapter aux problématiques propres des gens. Le jour où vous aurez un fauteuil roulant, on pourra s'adapter. Par exemple, grâce à la technologie, on va pouvoir détecter certaines situations de handicap et en fait adapter la proposition de transport qu'on va pouvoir faire. Je prends l'exemple d'une personne aveugle. C'est facile aujourd'hui, entre guillemets, facile de détecter qu'une personne est aveugle au travers de son téléphone. Si celle-ci souhaite faire du covoiturage, on va pouvoir adapter l'itinéraire pour avoir des points de rencontre, des points de dépose identifiables, notamment avec les personnes utilisant des cannes connectées. Et on va pouvoir envoyer une sorte de tutoriel au conducteur pour lui expliquer un peu les démarches à suivre. Notamment, lorsqu'on s'est posé un peu la question, on s'est rendu compte que les conducteurs qui conduisaient avec des personnes aveugles avaient tendance à leur pointer du doigt la destination, ce qui ne marche pas. Donc voilà, on va avoir la capacité de s'adapter. Cette application, vis-à-vis de l'entreprise, elle va notamment collecter de l'information de manière anonyme sur comment les gens se déplacent, quels sont leurs comportements, quelles sont leurs habitudes, leurs besoins, leurs attentes en termes de mobilité. Et on va pouvoir transmettre cette information aux entreprises et aux collectivités sous la forme d'une plateforme web qui va leur permettre de comprendre l'environnement de mobilité dans lequel évoluent leurs collaborateurs, d'agir directement sur celui-ci, d'optimiser et même presque d'automatiser tout le processus de plan de mobilité pour que derrière celui-ci soit une démarche qui soit bénéfique à la fois pour l'entreprise dans la maîtrise de son bilan carbone ou dans la réduction de ses coûts de mobilité et qui soit bénéfique pour le collaborateur qui va pouvoir, sur ses trajets personnels ou ses trajets professionnels, gagner du temps, diminuer ses coûts de déplacement et avoir une vision également de son impact environnemental. Ok. Avant de passer la parole à la salle, Dominique, j'écoute tout ça et je me dis, c'est super, c'est formidable tout ça, parce que finalement, si j'ajoute le fait moi aussi, hein, que ces nouvelles mobilités, ou cette mobilité, ou cette transformation de la mobilité, va avoir aussi un impact sur la transformation des espaces. Je disais tout à l'heure là, la ville de Paris, par exemple, elle est en train de travailler sur la sécurisation d'un certain nombre de rues, tout simplement pour rendre la rue aux enfants. Formidable ça. Enfin, nous, on est d'une génération où on a connu ça, où on allait s'amuser sans problème dans la rue, c'était plus tout à fait le cas. De la même façon, on est en train de libérer des espaces et on donne, si j'ai bien ville, en plus sous forme de bail, la ville de Paris donne des espaces, notamment les pieds d'arbres, pour pouvoir planter, etc. On peut parler d'agriculture urbaine, etc. Donc, si on ajoute ça au fait que on travaille sur l'énergie, sur de l'énergie propre, on va rendre finalement la vie plus facile. Finalement, là, je m'adresse à l'anthropologue, on a trouvé le nirvana, quoi. C'est super, la nouvelle mobilité. J'ai une seule remarque, je n'ai encore jamais vu de nirvana, mais parce qu'on va à chaque fois, c'est une règle générale pour moi, il n'y a pas beaucoup de règles, mais celle-là, elle marche. On trouve une solution, on crée un problème. Donc j'attends que le problème arrive pour trouver la solution. Je pense juste, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que ça rejoint vraiment l'intuition que j'ai comme anthropologue, c'est évidemment l'énergie qui est à la base. C'est-à-dire jouer sur l'énergie et les plateformes. Si on regarde bien les deux axes forts qu'on ressort de là, c'est comment trouver l'énergie qui produise moins de CO2 pour faire vite, et deuxièmement, des plateformes qui permettent d'optimiser tout ça. Et je prends juste un exemple qui m'a frappé. Il y a à peu près 10 ans, j'avais découvert, je ne sais plus comment, je ne sais plus quelle conférence, une boîte chinoise qui s'appelait BYD, c'est-à-dire BYD. À l'époque, ça voulait dire Buy Your Dream, acheter votre rêve. Je crois que ça a changé maintenant, mais peu importe. Ce qui m'avait frappé, c'est que c'est une société, ça rejoint beaucoup ce que vous racontez, qui faisait des batteries et qui avait acheté des usines de voitures. Donc, c'est bien par la gestion d'électricité qu'on change la mobilité. Le problème, c'est que l'électricité peut être produite de façon hydraulique ou de façon nucléaire, ou par du charbon aussi. Il faut essayer de gérer ça, bien évidemment. Mais c'est bien l'enjeu central. Plateforme et énergie me paraissent deux éléments, en tout cas, pour faire avancer les problèmes. Le nirvana, je n'y crois pas. Hein. Moi, mon mythe, c'est le mythe de Sisyphe. C'est ça ma réponse. Il pousse sa pierre, elle redescend, et on remonte, et elle redescend. La vie, c'est un peu ça. Ça évite d'enquiquiner les gens avec des mondes futurs qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Vraiment. Le binôme réchauffement climatique, innovation technologique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va en prendre 2 ou 3 et on sera à peu près dans les temps. On aura un petit peu dépassé, mais comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, peut-être juste une question technique. Bon, on connaît les problèmes du charbon, du pétrole, etc. Pour les batteries, oui. Il y a certains qui disent qu'il y a un problème de ressources. De ressources notamment minérales. Entre les pays qui les détiennent, la consommation de ces ressources et la fabrication des batteries. Alors, plusieurs réponses. D'abord, effectivement, il y a des premières technologies de batterie. Les technologies de batterie, en fait, n'ont pas été forcément pensées sur l'aspect ressources au départ, justement, on démarre. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on est en train de travailler sur des nouvelles technologies qui font qu'on va diversifier les types de matériaux qu'on va utiliser, qu'on sera beaucoup plus avec des matériaux, on va dire, beaucoup, beaucoup moins rares. Donc là, on est plutôt dans une phase où les premières technologies, effectivement, utilisaient des matériaux, pour certains, rares, mais en très petite quantité en vérité. Et aujourd'hui, on travaille sur des technologies très, très différentes et qui font qu'on n'aura plus ces problématiques-là assez rapidement. Mais on a quand même une autre réponse. C'est un petit peu quand je parlais de batterie grande vie, c'était aussi un peu ça. C'était aussi quelque chose d'important, c'est que en fait, on essaye d'avoir plusieurs vies à nos objets. Donc, finalement, la batterie elle va avoir sa première vie dans la voiture. Quand la batterie n'est plus suffisante pour apporter le niveau d'exigence en fait, nécessaire pour la sécurité d'un véhicule, on va la sortir, mais en vérité, la batterie n'est pas capable encore de faire énormément de choses. En gros, on la sort, elle a encore 70% de capacité, etc. C'est un objet cher, c'est un objet qui est capable de faire beaucoup de choses, donc on va essayer de la réutiliser, et du coup, c'est ce qu'on a fait par exemple avec ce GEPROM, on l'a fait aussi avec Enedis, et en fait, on a développé des systèmes qui réutilisent des batteries de voitures. Par exemple, chez Renault, on a plus de 100 000 voitures. Plus de 100 000 batteries à notre disposition maintenant, on a déjà un stock de batteries. On va savoir positionner dans des bâtiments, on va savoir positionner dans des prêts de transformateurs donc pour améliorer la gestion d'énergie locale, ou même on est capable maintenant de faire, ça sortira bientôt, on a des projets avec de très grosses ampleurs, on a des stocks importants de batteries qui permettent de faire des climatages des réseaux électriques. Donc, deuxième vie de la batterie. Troisième vie potentielle, c'est que quand la batterie est vraiment à la fin, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir les batteries et séparer les composants des batteries. Et en fait, il y a des composants qui restent encore bons, d'autres qui sont plus bons. donc, en fait, on va réutiliser les composants qui sont bons pour en faire un autre usage. Et dernière vie, la quatrième vie, donc, vous voyez, on essaye de pousser jusqu'au bout, ben, c'est ce qu'on appelle le recyclage. Bon, là, on va reprendre toutes les matières qu'il y a dans la batterie, sachant que la matière principale, c'est en fait, c'est l'aluminium, parce que c'est le casing, en fait, qui est le plus important. Et on va recycler ces matières. Et on récupère pas mal de ces composants dits un peu rares. Un bel exemple, en tout cas, de recyclage et d'économie circulaire. Monsieur ? Oui, je voudrais simplement vous poser la question de la lutte de pouvoir sur les plateformes. Parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'on va déplacer le sujet de la mobilité sur l'accès à l'information sur la mobilité. Et on voit bien qu'il y a des sociétés organisatrices de transport public, donc au niveau de l'espace de vie. Et c'est étonnant que ce ne soit pas cette autorité organisatrice qui prend en compte l'individu dans toutes ses fonctions, employé, famille, et qu'il ne soit pas cette autorité qui, finalement, sous une marque blanche, récupère l'intelligence d'une start-up pour avoir cette fonction intégratrice, ce service, qui facilite beaucoup plus, je dirais, la vie quotidienne qu'une série même d'intégrateurs isolés. Enfin, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas cette volonté au niveau des collectivités intégratrices d'avoir ce service, en fait, à la population. Alors, cette volonté, elle existe au niveau des collectivités. On a, par exemple, Transdev qui vient de lancer à Mulhouse sa plateforme pour transport en commun et vélo et parking, je crois. On a Dijon qui vient de lancer également sa plateforme pour, avec Keolis. Sauf qu'à chaque fois, c'est justement la problématique, c'est que c'est des plateformes isolées. Même sur Paris, on a RATP qui a transport en commun, covoiturage et vélo. Et les gens ne l'utilisent pas. Sur Paris, les deux applications les plus utilisées pour se déplacer, ça va être Citymapper et Google Maps. Et on a RATP, je crois qu'il y a 11% d'utilisation, donc vraiment très, très minime. Pourquoi ? Parce que les applications, ces agrégateurs en collectivité, la problématique, c'est qu'ils vont se concentrer sur un petit nombre de modes de transport qui sont en général gérés directement par la collectivité. Donc, c'est trop restreint pour l'utilisation par rapport à ce que les gens font. Par exemple, si je prends l'application RATP, je ne vais pas pouvoir utiliser un mobile ou un OFO pour les vélos. Je ne vais pas pouvoir utiliser bientôt les services, par exemple, de Renault ou PSA sur la partie Autolib. Donc c'est problématique parce qu'on me limite ma mobilité à quelques services sur une offre qui est extrêmement large. Donc les gens ont tendance à s'orienter vers des plateformes qui sont beaucoup plus globales. Je sur les plateformes, donc c'est très peu de temps. Oui. Je vais juste dire, en fait, faire attention. Il y a en fait deux types de plateformes. On a les plateformes très locales, en fait, on vient d'en parler. Il y a aussi les plateformes internationales, donc c'est plutôt les GAFAM, en fait, qui se mettent dessus. Par exemple, quand vous... alors, c'est très complexe, parce que maintenant, il y a un empilement, en fait, d'acteurs. C'est qu'avant, par exemple, on appelait, son agence de voyage pour monter un voyage. Aujourd'hui, vous regardez sur votre Internet, en fait, c'est Google qui prend la main et qui va vous fabriquer votre voyage, hein, qui va tout prendre, en fait, la réservation d'avion, l'hôtel, les voitures en local, etc., voire même le resto, etc. Mais même maintenant, il y a un autre acteur qui se met entre Google et vous. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une course entre qui va se mettre proche du client. Ça va être par exemple les gens qui ont des assistants personnels. Par exemple, ça va être Amazon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mettez un Alexa, un assistant personnel chez vous, c'est lui qui va en premier recevoir en fait l'information du fait que vous avez envie de faire un week-end tranquille avec votre épouse au soleil, etc. Et qui du coup va aller chercher d'autres composants et qui va vous fabriquer le voyage, etc. jusqu'à tous les transports. Là, ça ne peut pas être les opérateurs de mobilité locaux qui peuvent faire ça, mais ils vont participer, parce qu'à un moment donné, dans la construction de votre voyage, à un moment donné, on va appeler une des plateformes locales. Quoi. C'est vraiment des luttes de pouvoir très importantes. Oui, c'est des de pouvoir, et je ne comprends pas que les réseaux de villes, parce qu'en informatique, on peut avoir une normalisation finalement de plateformes type marque blanche qui serait utilisée par toutes les villes, qui permettrait de faire ça. Et en fait, ça permettrait la diversité des services dans chaque ville en ayant une transparence de la plaque d'acteurs. Il n'y a pas d'opposition, il y a complémentaire. Enfin, les deux se complètent. L'opposition, je ne sais pas. Une question très simple. Très simple. Dans les paramètres que je vois pris en compte pour les plateformes, je vois gagner du temps, je vois l'environnement, je vois l'argent, mais je ne vois pas le plaisir. Et finalement, c'est quand même un moteur assez fort, le plaisir. Et donc le confort, le fait d'être devant des paysages ou de pouvoir parler, bon, Blablacar, c'est très simple. Au début, c'est covoiturage.fr, c'est devenu Blablacar. Donc la convivialité fait partie également des paramètres. Voilà. Parce que je ne les ai pas vus, alors peut-être que vous ne les avez pas cités, ils existent quand même. Ou alors, est-ce qu'on pourrait les mettre d'une manière ou d'une autre dans ce type de logiciel? Alors, on pourrait les mettre, mais on ne l'a pas encore mis tout simplement, parce qu'on est encore une jeune start-up. Donc il faut le temps de pouvoir le développer. La partie, notamment confort et transformation de ce temps un peu stressant de mobilité en un temps, en un temps utile ou en un temps ludique, en tout cas, je le vois beaucoup, moi, plus tard avec les véhicules autonomes qui permettront de faire autre chose que de se concentrer sur sa mobilité ou son déplacement. Aujourd'hui, nous, sur les sondages et les données qu'on collecte auprès de nos utilisateurs, c'est que le premier facteur de changement d'habitude de déplacement, ça reste le temps. C'est le temps, ensuite c'est le coût, et le confort arrive en quatrième ou cinquième position. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on observe, nous, sur la population. Et ça, c'est pour des trajets courts. Nous, on est sur la mobilité urbaine. Alors, pour les trajets longs, effectivement, il y a l'équivalent en fait, des tracés en vert sur les cartes Michelin autrefois. Donc, en fait, de dire, tiens, je vais passer par là parce que ça a l'air paysager, ça a l'air d'être joli. Effectivement, ce qu'on voit, c'est dans les enquêtes que l'on a, en fait, les gens qui font du partage, parce que je parlais de la mobilité partagée, effectivement, ce n'est pas en premier un des éléments mis en évidence, le fait que je suis content de partager parce que ça me permet d'être avec des gens, mais une fois qu'on a pratiqué ça, ça devient un des critères, en fait, pour rester dans les solutions partagées. Finalement, ça me fait plaisir, finalement, ça m'a tellement permis de rencontrer des gens intéressants en partageant une voiture, etc. Il y a ça, et effectivement, de la même façon, sur les voitures autonomes, ça va être un des sujets qu'on va travailler, qui est sur la proposition de trajet qui va contenir les éléments qualitatifs. Donc, mobilité, lien social. Une remarque, on a fait une enquête sur le covoiturage. Ce qui marchait, du reste, c'était plutôt long et plutôt avec entreprise, parce que ça résolvait un problème de parking et d'arriver au même endroit et aux mêmes heures. Deuxièmement, ce qui m'avait frappé dans l'enquête, c'est qu'il y en avait qui avaient arrêté parce que ce n'était pas convivial. C'est-à-dire que le point intéressant, c'est toujours ambivalent. Hein. Il y a des fois où c'est convivial, des fois où c'est pas convivial. Troisièmement, dans une enquête en Chine récemment sur la mobilité, j'étais frappé de voir des choses que j'avais vues aux États-Unis et en France, où des gens disent, moi je préfère la voiture, les embouteillages, parce que j'ai la paix. Donc il faut toujours, c'est pas encore justifié, c'est rappeler qu'à chaque fois, il y a 36 éléments qui vont pour, qui vont contre. Voilà. Effectivement, pour compléter ça, en fait, la voiture, c'est un moyen de transport, c'est que quand vous prenez par exemple ce moyen de transport pour aller travailler, en fait c'est un sas. C'est un sas entre votre vie privée et votre vie professionnelle, c'est pas dans le sens. Vous pouvez avoir besoin en fait de cet espace où vous êtes un petit peu isolé, où vous allez faire la transition entre votre vie privée et la vie professionnelle. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi utiliser des systèmes partagés, parce que si je me suis habitué à travailler d'être avec certaines personnes qui me permettent de faire cette transition, ça peut fonctionner. Ça mais c'est pas simple de trouver les bonnes personnes. Ça marche bien dans le train, ça. Oui. J'ai pas mal de collaborateurs qui m'expliquent que le matin, ils se retrouvent, ils travaillent au même endroit, ils discutent avec ça. Il y avait deux autres questions, je crois, après. Juste un tout petit exemple par rapport au covoiturage, sur l'aspect convivialité. Si on prend le covoiturage à San Francisco, donc ils ont des lignes spécifiques pour les voitures qui font du covoiturage, notamment pour passer les péages au niveau des ponts, parce que c'est moins cher et plus rapide surtout. Donc on a une station avant le pont, une station après le pont, qui permet de parcourir entre 5 et 10 km. Et grosso modo, il y a trois règles pour le covoiturage. La première règle, c'est pas manger. La deuxième, c'est pas porter de parfum. Et la troisième, c'est pas parler. Interdit de parler pendant le covoiturage. Et ça marche extrêmement bien. Et les gens gardent ce sas en fait, personnel de la voiture avec les autres bénéfices du covoiturage. J'avais encore deux questions et après... Vous avez dit tout à l'heure que le groupe travaille sur les véhicules autonomes, mais aussi sur des solutions intermédiaires. Et je me demandais si ces solutions intermédiaires prennent en compte déjà les différents niveaux d'autonomie dans le véhicule autonome. Et ensuite, sinon, si c'était des solutions intermédiaires, pensez plutôt dans le cadre de Mobility as a Service. Alors, effectivement, il y a déjà l'existant, il y a déjà un parc de véhicules qui fonctionne, qui existe. Donc, on travaille même sur comment améliorer le service de mobilité sur des véhicules existants. Donc, par exemple, favoriser du covoiturage avec des véhicules existants. Alors, existants, c'est-à-dire déjà achetés, ça veut dire qu'ils vont à nous, ou existants, la gamme actuelle, et puis les gens qui vont les acheter. Le partage aussi. Donc, on a une offre qui s'appelle Renault Mobility, qui permet, en fait, c'est un peu comme de la location de voiture, très courte durée, très adaptée en termes de tarifs, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui peut être mis, par exemple, on a un partenariat avec Ikea. Vous allez chez Ikea, vous apercevez, vous avez pris un peu trop de choses, vous ne pouvez pas rentrer comme ça en bus avec, ben, vous louez une voiture, voilà, des choses comme ça. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le louer à plusieurs. Effectivement, on travaille aussi sur on a acheté une société de VTC qui s'appelle Marcel, hein, qui est très parisienne pour l'instant. Et notre objectif, c'est effectivement de développer une forme de partage, hein, parce qu'on peut faire du VTC en langage anglais, avec du partage avec plusieurs passagers à l'intérieur. Alors, donc effectivement, là, j'ai utilisé certaines applications qui sont plus ou moins sophistiquées aujourd'hui. Et ça nous permet aussi de pousser la mobilité électrique en même temps. En fait, on fait en sorte qu'on utilise de plus en plus de véhicules électriques. Alors sur les véhicules autonomes, effectivement, on travaille sur des véhicules de plus en plus. Enfin, on travaille sur toute la gamme en fait, d'autonomie. On a des véhicules qui sont avec des fortes assistances. C'est en fait que vous pouvez. Vous avez ce qu'on appelle les régulateurs de vitesse, par exemple, adaptatifs, qui fait que vous vous mettez dans une voiture et puis vous fixez la vitesse. Enfin, en réalité, vous fixez la distance entre la voiture que vous passez avec vous. Et finalement, vous allez suivre cette voiture. Donc, ça, c'est un premier niveau qui est pas très élevé, mais c'est les premiers niveaux. Et jusqu'à véhicule 100% autonome. Là, je faisais référence tout à l'heure en fait, à EasyPro, en fait, un véhicule 100% autonome. Mais pour la livraison, on a l'équivalence de l'Ezigo qui était montré il n'y a pas très longtemps en fait, à Genève et qui est un véhicule 100% autonome. Mais là, pour les passagers, il y a une sorte de petite navette, 6 personnes à bord. Voilà. Et on a même travaillé aussi sur des véhicules, on va dire, privés avec autonome, c'est-à-dire en fait, le niveau 4, niveau 5, en fait, c'est-à-dire qu'on peut lâcher le volant, puis le volant. Donc, c'est un projet qu'on va faire. Il y a un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle Symbiose. En fait, vous avez des voitures, un peu style voiture haut de gamme, qui sait se déplacer de façon complètement autonome sur autoroute, donc à des vitesses très très élevées. Donc, bon, effectivement, on a à peu près toutes ces gammes de technologies. On parlait de Rouen tout à l'heure. En fait, à Rouen, on a Rouen et Saclay. Donc, ça, c'est un projet que l'on a avec Transdev, par exemple. À Rouen, on a développé, on est en train de tester en fait, des Zoé, on a 4 Zoé électriques qui ont été rendues autonomes. Alors aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser en 100% autonome, donc on a toujours des safety drivers, on a toujours des gens en fait, qui sont là au cas où, parce que c'est des expérimentations, mais en dessous, en fait, elles sont déjà autonomes. Et l'idée, c'est d'offrir des véhicules complémentaires à du transport en commun. C'est en bout de ligne de tram, sur la zone de l'INSA, enfin, sur un campus qu'il y a à Rouen. Donc en fait, on travaille ces solutions, effectivement, de véhicules autonomes qui seraient complémentaires à des solutions de transport en commun. Ça répond. En vous écoutant, puis on va conclure. Ah, il y a encore une question. Une dernière question concernant l'architecture urbaniste. Est-ce que vous avez des petits points de stationnement qui aujourd'hui posent un peu le problème numéro 1 dans les opérations immobilières, que ce soit une question de vos opérations. On voit dans le Grand Paris, il y a pas mal d'espace, enfin, une grosse perte d'espace en certains endroits où on peut imaginer de créer des espaces partagés. Vous parliez notamment du Japon, on voit beaucoup de ces parties de poche, des parties mécaniques qui sont mutualisées, et qui peuvent avoir des parties de Est-ce que vous développez des choses sur ce sujet-là? Alors, finalement, le fait de pousser le véhicule partagé ou même le véhicule autonome, ça va dans ce sens-là. Plus on partage, bien évidemment, il y a moins de voitures présentes. Et surtout, ce qu'on veut aussi, c'est un peu le cadre de mobilité, c'est qu'on souhaiterait que nos voitures ne restent pas stationnées finalement. Elles sont faites pour rouler, qu'elles roulent. Donc l'idée, c'est justement de faire en sorte que quelqu'un qui a besoin d'une voiture pendant une heure, il l'utilise pendant une heure, mais que quand il n'a plus besoin, en fait, il a l'espace stationné, mais que quelqu'un d'autre vienne la prendre, etc. Donc on travaille beaucoup, effectivement, sur des services comme ça qui permettent à tout moment aux personnes d'avoir une solution de mobilité, de façon à ce que, effectivement, les véhicules ne soient pas stationnés. Finalement, de fait, un véhicule, c'est fait pour fonctionner, pour se déplacer. Et c'est vrai que une grande partie du temps, aujourd'hui, les véhicules sont stationnés et prennent de l'espace. Mais notre volonté est de faire en sorte que plutôt les véhicules soient de plus en plus utilisés pour leur fonction première, qui est le déplacement. Quand on aura des véhicules complètement autonomes, on aura ce cas-là. C'est qu'en fait, les véhicules se déplaceront pour aller chercher la personne suivante, ou alors s'il n'y a pas de personne, enfin s'il y a un temps d'attente, j'irai dans des hubs qui seront là pour m'aider à me recharger, ou pour m'aider à m'entretenir, à me nettoyer ou à me faire un peu de maintenance, etc. Et du coup, je serai mis en dehors de la voie publique, par exemple, parce que je serai mis à un endroit en fait, où je serai stationné pour une fonction nécessaire en fait, pour le fonctionnement du véhicule. Donc effectivement, cet aspect optimisation de l'espace de la ville par rapport en fait, à l'optimisation du transport, c'est quelque chose qui est très important. On va aussi se développer, y compris pour les vélos, des systèmes de parking, oui. Un silo, etc., etc. J'avais envie, mais c'est pas grave, je ne vais pas vous relancer, mais Renault Service, oui. De plus en plus. C'est un autre débat. Je vais laisser le mot de... On en avait parlé tous les deux, on a parlé du plaisir, on a parlé de l'être humain, etc. Et c'était dit comment on passe du transport au transcorps. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu, on n'aura pas le temps de le développer, mais comment effectivement l'être humain revient là où, sur le devant de la scène. Dominique, il vous appartient, comme c'est l'habitude, de nous dire le mot de la fin. C'est une tour de charme. Moi, je vais vous dire, c'est jamais le mot de la fin, c'est un mot d'ouverture. J'ai été extrêmement intéressé à la fois par la start-up Mobility et par Renault, parce que ça me conforte à chaque fois que face à des discours très catastrophistes, qui ont toujours une base vraie, et je ne discute jamais ça, mais qui nous enferment dans une chape de peur, on trouve toujours des solutions. Alors, c'est peut-être générationnel d'être optimiste comme ça. Moi, je me dis toujours, quand je crois beaucoup à la chimie verte. Je crois énormément à la chimie. Et pourtant, Dieu aussi, si c'est pas bien d'aimer la chimie. Parce que j'observe que la chimie a déjà résolu plein de problèmes, qu'elle en a créé plein et qu'elle va en créer d'autres. La voiture, c'est pareil. J'ai un esprit d'optimisme, non pas béat, parce que je crois beaucoup aux guerres, mais je crois que les deux sont là en même temps. C'est les deux pieds. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des solutions qui s'inventent tout le temps. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et même quand ça paraît... je vais terminer ici, le mot de la fin, c'est un proverbe chinois qui est vrai et j'adore, c'est quand on est loin de la montagne, on ne voit pas où est le passage. Et quand on est en bas de la montagne, on trouve le passage. Exactement ce que j'ai entendu là. C'est-à-dire qu'il faut toujours avancer. Et en avançant, on sait qu'il y a des obstacles. On sait que c'est compliqué. J'ai une vie personnelle avec pas mal d'obstacles et des trucs. Je peux dire qu'on peut passer des choses parfois très dures, peu importe. Mais c'est en avançant, c'est sûrement pas en se refermant ou en ça, j'y crois pas du tout. Il y a des moments où il faut se refermer, hein. Il y a des moments où il faut fuir. J'accepte tout à fait qu'on s'enferme ou qu'on fuit. C'est très important. Mais c'est toujours en avançant. Quelle que soit la façon de faire, on va trouver des solutions. Voilà. Merci. Merci à vous. Si est-ce qu'on a des calendriers annoncés dans ces prochains jours, je ne sais pas. Il y a des commissions qui se réunissent. On travaille beaucoup à l'OIDA en ce moment sur la finance verte. Sur la finance responsable et puis sur d'autres choses. Voilà. Alors, ceux qui font partie de l'OID, on vous invite, et puis ceux qui ne font pas partie de l'OID, on vous invite aussi à rejoindre l'OID. Un peu de pub, hein. On est plus de 40 aujourd'hui, il y a plus de 40 associés à l'OID, et on développe de plus en plus de partenariats, les dernières dates avec la Défense, avec l'ADEME, etc. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une conférence de présentation des résultats du GRESB. Alors ça, c'est vraiment pour les initiés en immobilier. C'est le 17 octobre. Et puis, on a des visites de bâtiments innovants. Mais ça, c'est uniquement pour le siège de CBRE, de Cosmo, etc. Merci beaucoup. Rentrez bien. Prenez les trottinettes. Prenez tout ce que vous allez trouver dehors. Partez ensemble. Faites du covoiturage. Comme ça, vous pourrez découvrir. Merci. Je prends ici pour le département de développement. C'est moi le pire. Du coup, là, Alors, ta normalisation finalement, tu m'as. Au revoir. Oui. Ah oui. Alors, Mehdi. j'ai plus la prochaine, je crois. D'accord. Pour avancer sur les jeunes. Ah oui, d'accord. Donc il est toujours en. Oui, on est toujours dessus. On n'a pas mis mal le corps, ouais, parce qu'il a un peu laissé tomber. Non, dessus même. Je suis là. Trop de temps. Très long, ouais. Trop de temps, même si on est en pleine réflexion. Développement agile, etc. Toujours un projet qui vient pousser un coup. On est dessus, plus jeune, on a avancé. On a avancé pas plus tard que hier. Non, c'était vendredi, mais on a avancé sur la marque. On a terme, on s'est dit non, finalement, on ne peut pas viser cette marque-là. Parce que c'est pas du système. Il peut finir si. En discutant du département juridique avec l'accord, on s'est dit, si on peut utiliser cette marque-là. Donc ce qu'on avait projeté en fait, on va partir là-dessus. Ouais. Ah bah c'est bien. Donc tu nous adresses à tout, on peut continuer à t'accompagner. Mais oui, on reviendra vers chacun, peut-être pour une relecture. Je suis en contact avec Cyril Belzaria, ouais. Mais pour d'autres trucs, parce que. Il avait des solutions pour les recyclages de bouteilles blanches. Donc j'ai branché avec des gens qui font ça. Et puis, c'est très bien. Il a des solutions et tout. On a un peu résolu. Ah ouais, ça va très bien. Mais je vois qu'il tweet, sur LinkedIn, il y a pas mal de choses. Ouais. Ouais. Bon, c'est bien ça. Bon, alors à bientôt. Alors, oui, ça continue. À bientôt, pourquoi pas. Pour autre ça ou autre chose. Aujourd'hui, c'est la de la Merci, c'est gentil.